Bon, bien nous accueillons ce soir Michel Arnat, qui vient nous parler de la façon dont se construisent les mises en place économiques et financières. Ce terme ingénierie, c'est-à-dire le mode de construction sociale des pratiques professionnelles financières et des sociétés économiques, en comparant les régimes de construction de l'économie et de la finance. Voilà. Et Michel fait partie du Centre Coiret, il est également à Dauphine et fait beaucoup de travaux sur, pour ceux qui connaissent ça bien, les questions liées aux aspects sociotechniques de la finance et de l'économie dans la filiation des travaux de sociologie, des sciences et de la finance. On peut dire ça, Michel, je crois. Oui, tout à fait. Je te laisse la parole. Bon, l'idée, c'est un séminaire de travail et de recherche donc est ouvert, c'est pas un exposé ex cathedra. Le but est qu'il y ait une discussion entre les uns et les autres sur le thème pour voir ce qui émerge en fait du sujet. Et la question n'est pas d'avance fixée ni résolue. Et donc, vous pouvez parler une heure ou deux heures, enfin, au moins trois heures au total, ça veut dire qu'il faut remplir trois heures. Mais l'idée, non, c'est je que... vais faire une alternance, voilà. Je vais faire trois. En fait, en réfléchissant à cette séance, voilà ce que j'avais prévu quand même sur les trois heures, c'est d'alterner trois morceaux d'exposé et donc trois débats. Comme ça sera moins lourd que... L'idée est la suivante. Alors peut-être que je dis en deux mots qui suis pour compléter ce qu'il a dit, qui est pas tout à fait exact, mais enfin donner un petit idée de mon itinéraire. Je suis au départ un ingénieur des arts et métiers qui ensuite a fait de la statistique et de la sociologie. Et à enseigner ensuite à Dauphine les stats, les probas, les maths, etc., appliqués à l'économie. Et j'ai fait une première partie de ma vie professionnelle en faisant ouvrier de service des sociologues et des économistes. En fait, c'est comme ça. C'est-à-dire je faisais des calculs, je passais sur l'ordinateur des ensembles de programmes, je sortais des tas de trucs d'analyse des données en particulier pendant les 10 premières années, puis ensuite des régulations, enfin voilà. Et puis ensuite, j'ai décidé que j'en avais marre et que j'inversais, c'est-à-dire au lieu de faire des mathématiques appliquées à l'économie et à la sociologie, j'ai fait de la sociologie et de l'économie des mathématiques, un peu, si vous voulez. C'est un peu ça, mon trajet. Alors ça a commencé tout simplement par re-rentrer dans un débat et une thèse dans le domaine par un autre côté, qui est le côté STS, sciences, techniques et société. Donc une approche des sciences, dont évidemment j'avais derrière la tête que celle qui m'intéresserait, ça serait... celle que j'enseignais, c'est-à-dire les statistiques et l'économie. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai fait le Bordier du Havre et que la Tour Calon, etc. Et puis ensuite, un du Havre. Le premier, j'ai fait la première fournée dans les années 80, comme si c'était encore au plan. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse donc, sur l'histoire du modèle linéaire, c'est-à-dire en gros l'histoire depuis l'astronomie, on va dire ça comme ça pour aller vite, jusqu'à l'économie, en passant par la sociologie et la biométrie. Donc regardez un peu cet objet qui s'appelle modèle linéaire en stat-mat, voilà, une variable y dépend de d'autres variables ici, et regardez comment se construit, déconstruit, reconstruit ce truc-là en traversant les disciplines. Ça, c'était ma thèse. Par contre, depuis, c'était en 95, une thèse de vieux, j'avais déjà 5 ans de balai. Voilà, donc, une thèse monumentale. Et elle n'est toujours pas éditée, mais elle est en projet dans cette même collection qui est, dans laquelle j'ai fait finalement sortir un bouquin qui est sorti au printemps dernier, qui s'appelle « La science économique comme ingénierie ». Et cette... Alors, ingénierie, ça ne s'écrit pas comme dans la... Il y a une petite faute d'orthographe. Parce que c'est vachement dur à écrire, c'est un mélange d'anglais et de français, souvent qu'on utilise. C'est ingénierie en français et ingénierie en anglais. Donc voilà, il y a un petit mélange. Pas là, ça fait ingénierie. J'ai fait ingénierie. La française est un génie. Et dans l'appel, il y avait un mélange des deux. Un mélange de français. Bon, c'est pas grave. Donc ce bouquin-là, il reprend des articles que j'ai fait depuis 95, donc ça fait donc 15 ans, et qui sont tous autour, effectivement, de ce qui a été dit, c'est-à-dire de la quantification et la modélisation en économie, en essayant d'avoir une analyse qui est à la fois historique, puisque je suis dans un laboratoire d'histoire des sciences, et que pour moi, l'histoire est un biais pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est plus qu'un biais, quoi. C'est un détour qui peut être assez long, des fois on n'en sort pas, mais il vaut mieux en sortir si on peut, voilà. Bien, alors, j'avais pensé, voilà donc mes travaux, et donc l'introduction de ce bouquin a été un l'occasion de rassembler un peu mes idées générales sur le sujet, sur la quantification et la modélisation. Et j'ai appelé ça le génie économique, ou l'économie, enfin, c'est presque le même titre, hein, ou la science économique comme ingénierie. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu de faire un petit aller-retour entre deux études de cas et cette chose-là. D'accord ? Donc, faire une première étude de cas sur la finance. Alors, je suis un peu désolé parce que je suis sûr que dans la salle, il y a au moins deux, trois personnes plus qu'avec moi en finance. Donc, mais je vais le faire quand même, comme ça leur donnera l'occasion de me dire tout ce qu'il y a de faux dans mon papier ou dans mes dires. D'accord ? Ça me prévient que ça se passe comme ça. Donc, première étude de cas sur la finance récente, la crise financière de 2007-2008. Deuxième et débat, on fera un débat tout de suite sur cette partie-là. Donc, ça permettra justement que vous me disiez, mais ça n'a aucun intérêt, ou mais là, tu dis des conneries, mais etc. Hein, je pense qu'on peut être assez ouvert de ce côté-là. Deuxième, parce que je ne suis pas un financier, je ne suis pas un économiste. Je suis un économiste venu à l'économie parce que j'ai fait une thèse d'économie, mais venu à l'économie quand même par les maths appliquées, les stats, etc. Mais évidemment, la finance, ça m'a fait épiner. Et puis, au moment de la crise, c'est clair que j'avais envie de dire mon mot sur la question. Deuxième étude de cas que je vous propose, que je n'ai pas mis dans qui n'était pas prévue, si vous voulez, mais je la trouve assez intéressante, c'est de vous. Alors, chaque étude de cas, je vais y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus, hein, puis débat. Deuxième étude de cas sur l'économie du changement climatique. Pourquoi ? Parce que je suis dedans jusqu'au cou, je travaille depuis 20 ans, 10 ans, pardon, 10-12 ans. Et il se trouve que ça va me permettre d'affiner ma thèse que je vais passer en troisième lieu. Donc, en troisième lieu, quand je parlais d'ingénierie, j'aurai deux études de cas qui sont fort différentes, vous vous en doutez. Donc, qui ont des points de très grosses différences. La première énorme, c'est la temporalité qui est absolument pas la même. Hein. Les microsecondes en finance et les dizaines d'années et centaines d'années en climat, donc, et milliers d'années. Donc, vous voyez, on est sur des échelles de temps fort différentes. Et ça a des impacts importants sur les méthodes, sur l'analyse, sur les modèles, sur la politique de ces choses-là aussi. Ouais. Mais il y a des points communs assez nombreux quand même, en particulier tout ce qu'on peut essayer de réfléchir sur la notion de modèle dans les deux cas de figure. Modèle en finance, modèle en changement climatique, eh bien ça me paraît assez riche. Et donc, discussion sur le deuxième cas, et puis on fera une sorte de synthèse, et je présenterai l'introduction de mon bouquin, donc les quelques thèses générales sur ce que j'appelle l'ingénierie. Sur le fait qu'il faut considérer la science économique comme autre chose qu'une science académique, hein, pour aller vite, voilà. Donc ça me permettra de conclure, si vous voulez, de me servir de cette introduction pour rassembler ce qu'on aura vu dans mes exemples. Ça vous va ? On essaye ça ? Bon. Allez. Si ça tient 3 heures, je vais faire une exposé d'une demi-heure et puis un débat d'une demi-heure à chaque fois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, sur la crise financière, donc comme je l'annonçais, vous savez à peu près tout, mais je vais reprendre un peu quand même l'article que j'avais pondu. Je rappelle, il a été pondu, alors parce que ça bouge tout le temps, évidemment, donc il a été pondu en début 2009, en janvier 2009. Il s'est passé beaucoup de choses encore depuis. Hein. Donc, je vais reprendre quand même cet article, puisque je l'avais distribué. Là, vous les avez... C'est le mouvement. Mouvement, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le texte ou pas, mais ce n'est pas très grave, je vais le représenter, hein. Un petit peu avec quelques éléments. Alors, en fait, moi, c'était un texte que j'avais fait pour y voir clair moi-même, et puis finalement, on m'a demandé de le publier, dans le mouvement en vitesse, comme ça, parce qu'il fallait faire vite, vu la rapidité des choses. Bien, alors, donc, mon point de vue n'est pas celui d'un spécialiste, je veux dire, de finance, hein, ce n'est pas le cas. Alors, j'étais parti dans le. Je vais prendre le texte et puis pas vous le lire, mais vous dire rapidement ce qu'il y avait dedans. J'étais parti dans ce texte du constat d'abord, on était en plein dedans quand je l'écris, janvier 2009, et la première chose qui me semblait intéressante, c'est que tout le monde, ça veut dire tous les experts, ou se disant experts, ou tous les journalistes se disant, voilà, disaient deux choses parfaitement contradictoires, mais c'était absolument prévisible ce qu'ils disaient. Et puis, ils disaient en même temps, c'est totalement nouveau, c'était impensable qu'il y ait une dégringolade pareille, un crack pareil. Donc il y avait donc une sorte de divine surprise ou d'amère surprise. Alors, ça dépend si on avait mis des sous là-dedans ou si on était analyste ou si on était très critique par rapport au système financier ou très mouillé dedans, etc. C'est l'ensemble des gens qui parlaient de ça et de mes copains, tout ça, ils étaient soit amèrement surpris parce que vraiment, ça, soit effectivement contraire et tout. Ça permettait une analyse. Hein, c'est une sorte d'analyseur de la société, ce truc qui se passait. Voilà. Alors, c'est ça que je vais regarder d'un petit peu plus près. Donc, pour analyser cette situation un peu paradoxale, je proposais dans l'article de rendre compte des comportements de tous les acteurs face au risque, il y en a pas mal, et puis finalement de regarder ça avec des yeux un peu naïfs, c'est-à-dire de toutes les dimensions de cette crise financière, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Donc, je rappelais l'effet stylisé, alors quoi que je l'ai rappelé là, un petit peu plus vite, c'est-à-dire la crise des subprimes, donc, c'est-à-dire ces prêts de second choix non conventionnels, à taux variable, à remboursement différé, proposés à des ménages pauvres et déjà endettés, les fameux ninja, no income, no job, no assets, ça fait déjà vieux, mais ça n'est qu'il y a 2 ans, hein, qui ont représenté jusqu'à 40% de nouveaux crédits hypothécaires en 2006. Donc, tout a bien fonctionné tant que le marché de l'immobilier américain était à la hausse, 10% par an à peu près, permettant de jongler entre risque, prix et profit engrangés. Dès la fin de 2006, la surproduction de logements entraîne un effondrement des prix et les emprunteurs subprimes ont été trop nombreux à ne plus pouvoir ni payer leur retraite, ni revendre leurs biens, qui avaient perdu beaucoup de sa valeur, d'où les images catastrophiques qu'on a actuellement de certaines villes complètement fantômes aux États-Unis suite à cette crise, qui se conjugue avec la crise du chômage dans certains secteurs comme l'automobile. Et puis les premières chutes, donc la bulle qui éclate et les premières pertes énormes des organes financiers, HSBC qui déclare des pertes de 10 milliards dès février 2007, donc on est dans le début. La banque d'affaires Bear Stearns, je ne sais pas comment on dit, Bear Stearns, mon anglais jamais trop évident, excusez-moi, qui plonge et qui est racheté par JP Morgan en mars, à 10 euros l'action contre 130 quelques mois plus tôt. Les banques de dépôt qui doivent réincorporer les sociétés qu'ils avaient créées, ce qu'on appelle les SIV ou le véhicule, qui doivent aussi augmenter leurs capitaux propres. Bien, alors le 5 juin 2007, Ben Bernanke, qui président de la Fed, déclarait les fondamentaux sont bons, que les fondamentaux étaient bons, et qu'il est peu vraisemblable que les difficultés du marché des subprimes se propagent au reste de l'économie et au système financier. Donc là, oui, il avait vraiment tout faux, hein, c'est sûr, maintenant on le sait. Mais les baisses de notes des agences de notation se succèdent, déclenchent des protections et l'arrêt de la titrisation. Les banques centrales interviennent dès le 9-10 août 2007, oui, je vous trace ça très vite, hein, 95 milliards d'euros, et elles injectent 95 milliards d'euros, puis 24 milliards de dollars, hein, les deux banques européennes et américaines. La Fed baisse son taux, qui était parti de 5,25%, à 4,25 et il va descendre jusqu'à 1,5 en octobre 2008, donc c'est vraiment une chute énorme. Mais elle ne peut empêcher les pertes colossales des banques d'être dévoilées, en même temps que les parachutes dorés des dirigeants remerciés. Record des parachutes dorés, 161 millions de dollars pour le patron de Merrill Lynch, à l'époque, hein, il y en a eu d'autres depuis. Bernanke révise l'estimation des pertes de 50 milliards de dollars en juillet 2007 à 400 milliards en janvier 2008. Et ça va pas arrêter de monter. Le FMI avance le chiffre de 1 000 milliards en avril 2008 et ça montera encore. La banque Northern Rock, spécialisée dans le crédit hypothécaire, se retrouve au bord de l'insolvabilité. Elle est sauvée de justesse en septembre 2007 par nationalisation. La faillite des deux institutions piliers de la titrisation, Fannie Mae et Freddie Mac, en juillet 2008, avec leur mise en tutelle en septembre par le gouvernement. Ça c'est vraiment un truc extraordinaire, personne n'avait prévu. Lehman Brothers, qui ne disposait plus que d'un milliard de fonds propres pour couvrir des positions 30 fois plus grandes en dérivés de crédit, se déclare en faillite à la mi-septembre 2008. Et le secrétaire du Trésor américain, Paulson, décide de ne rien faire. Pourquoi ? Le marché doit s'occuper du marché. C'est une belle phrase quand même. C'était classique, c'était normal dans le cadre de ce qui de l'avant. Hein, de l'avant. Donc, cette faillite marque le début d'un krach qui va se généraliser. Au niveau mondial, les faits dominos s'enclenchent. L'assureur AIG nationalisé à 80% en septembre. Goldman Sachs, Morgan Stanley cherchant à la protection de la Fed sont forcés de quitter le statut trop risqué de banque d'investissement. Washington Mutual racheté par JP Morgan, etc. Fin septembre, le plan Paulson, attaqué sur sa gauche et sur sa droite, victime d'enjeux électoraux, est rejeté par le Sénat, mais finalement adopté par le Congrès 3 jours plus tard. On sait qu'il n'a pas été d'une grande efficacité, mais il a quand même déjà coûté 700 milliards de dollars. Et la crise donc se met à déferler sur les banques européennes, Fortis, Dexia, etc. Donc à son tour, l'Europe adopte au G15 du 12 octobre un plan d'aide massive au système financier. Et là, j'arrête mon récit parce que je suis en février, mais la suite, vous la connaissez, c'est la suite de la crise, c'est les dettes, etc. Mais je vous laisse juste là redonner les éléments de la crise elle-même dont on parle. Alors, on a beaucoup discuté. Je rappelle que l'article étant d'il y a 2 ans, je n'oublie pas faire les mêmes phrases exactement, hein, on a un peu de recul. On discutait beaucoup à l'époque de savoir si c'était déjà une crise financière ou une crise économique. Hein. Donc, il y avait des gens qui disaient, mais non, ça n'est qu'une crise financière. D'accord, il y avait d'autres qui disaient, mais non, c'était déjà une crise économique, ça l'a toujours été. Donc, c'est intéressant parce que derrière cet accrochage, il y a quand même tout l'enjeu de savoir si la finance est vraiment un domaine totalement décrochable ou décroché de l'activité économique dans son ensemble. Je pense que non, je pense que ce n'est pas possible. Donc ce récit pourtant que j'ai fait est un récit qui semble isoler la sphère financière. Donc il faut revenir un petit peu là-dessus et puis regarder donc avec d'autres points de vue que le point de vue public. Du récit que je viens de faire, du récit qui était celui journalistique, celui que j'ai fait d'ailleurs en prenant gentiment mon journal tous les jours, puis en découpant les articles qui traitaient de la crise à ce moment-là. Vous pouvez faire à peu près le récit que j'ai fait, et puis vous le retrouvez dans des tas de bouquins, le petit bouquin rouge de Lordon est un des premiers qui a paru, puis après il y en a eu plein. Voilà. Donc, la conjoncture, si on regarde la conjoncture économique des années 2000, donc elle est caractérisée par un excès. Il y a des caractéristiques qui sont telles qu'on pouvait dire, effectivement, il y a déjà une crise économique dès le début des années 2000. Bon, alors un excès de liquidité qui va se retourner en 2007, bien sûr, qui est dû principalement à la progression rapide des réserves de change, hein, des pays émergents, mais la situation très particulière de l'économie américaine, tout autant que l'innovation financière, explique que la crise ait pris sa source aux États-Unis. Depuis Bretton Woods, en effet, et plus encore depuis l'ère Reagan, l'économie américaine est financée par le reste du monde, hein. C'est-à-dire que le déficit public américain, à l'époque où j'ai fait mon article, donc il y a 2 ans, était de 2,9% du PIB, et sa dette, qui représentait environ 9 000 milliards, donc disons 10 000 pour arrondir, milliards de dollars, en août 2008, ça représentait 68% du PIB. Maintenant, je n'ai pas réactualisé tout ça. Mais c'est donc une gigantesque dette, et qui possède la dette, eh bien, principalement les pays émergents d'Asie et du Golfe, la Chine entre autres, qui paient la dette en contrepartie, la dette en contrepartie du fait que les Américains peuvent encore consommer ce qu'eux exportent massivement, bien sûr. Donc il y a un deal qu'on connaît bien maintenant entre la Chine et les États-Unis pour qu'on reste dans le sens statu quo, avec aussi les monnaies qui n'ont absolument pas leur valeur. Donc le déficit ne va pas manquer de s'accroître avec le sauvetage des banques par l'État, parce que là, on parle du déficit de l'État. Fédéral. Mais le dollar, monnaie de référence pour les matières premières, est soutenu par la Chine et les pays du Golfe, résiste toujours bien. Donc la banqueroute de l'État américain n'est pas pour demain. J'écrivais ça en 2002. Effectivement, on n'a pas assisté à la déroute, mais on a quand même eu la déroute de l'Islande, hein, mais on n'a pas eu la déroute de l'État américain. Donc le cadre général est celui-ci, l'endettement de l'économie américaine, qui se lie aussi à l'échelle microéconomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'État qui est. Il n'y a pas l'ensemble de l'économie et des activités, mais évidemment. La question de l'endettement des ménages. Alors c'est la quête de rendement toujours plus élevée et le crédit abondant du bon marché ont favorisé par la baisse des taux, conduisent les investisseurs à chercher des actifs plus risqués. Par ailleurs, l'endettement des ménages s'accroît du fait de la hausse des prix des actifs, bourse et immobilier, qui agit à la fois sur les crédits hypothécaires et sur la consommation. Donc aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les ménages peuvent renégocier leurs prêts hypothécaires. Mais dès lors que le bien prend de la valeur, ils peuvent aussi accroître leur endettement. Donc il y a une espèce de phénomène que l'on ne peut pas connaître ici exactement, bien qu'on ait aussi un endettement des ménages important. Mais eux, ils ont pu vraiment aller au collapse parce qu'effectivement, il y avait cette règle de pouvoir perpétuellement renégocier le crédit et d'en reprendre un nouveau, etc. Fondé sur, évidemment, quoi, la belle croissance du marché immobilier. Leur maison valant toujours de plus en plus cher, ils pouvaient faire ça jusqu'au moment où, évidemment, ce marché se retourne. Donc les banques ont profité de cette conjoncture pour proposer des crédits à des populations de plus en plus pauvres et endettées, les fameux second choix ou subprimes dont on a parlé au début, qui ont été multipliés par 7 entre 2001 et 2006. La capacité de remboursement de ces emprunteurs s'est forcément dégradée, entraînant l'augmentation du taux de défaut, c'est les fameux taux de défaut que les banques sont censées mesurer et qu'elles ne mesurent pas toujours bien, les expulsions et la vente aux enchères des biens. Ces prêts de mauvaise qualité ont alors contaminé les prêts prime, les autres, les bons, et les produits financiers complexes issus de la titrisation dont on va parler un peu plus loin. Alors, voilà un peu le contexte macroéconomique, qui est interprété diversement par les macroéconomistes, hein. Par exemple les néo-keynésiens disent que cette crise ne résulte pas seulement du déséquilibre qu'on a parlé sur le marché d'échange et de l'endettement américain, mais qu'elle est le résultat d'une dérégulation complète des marchés et d'un emballement conséquent de la spéculation qui se termine par une sorte, ce qu'on a dit, appelé infarctus libéral. Une expression qui est assez sympa, et qui met l'idéologie néolibérale dominante depuis Reagan et Thatcher. Donc ça, on peut effectivement, depuis Reagan et Thatcher, regarder un petit peu ce tournant qui a été pris est fondamental dans les années 70 en ce qui concerne la régulation de l'économie par les seuls marchés. Et la fin effectivement des politiques keynésiennes. Pour les codes de la régulation, bon, l'analyse est un peu différente, mais quand même. Il y a des points de contact. Cette crise marque l'aboutissement d'un capitalisme financier qui a rompu avec le compromis fordiste. Aglietta, Boyer et d'autres ont développé cette problématique. Les dérives actuelles sont le produit d'un mode d'accumulation qui prétend développer une économie capitaliste en comprimant toujours plus les salaires, donc ça c'est l'idée de base, et en conduisant une fraction toujours plus grande de la population relative à la paupérisation absolue. Dans ces conditions, seul l'endettement des ménages américains, 93% du PIB, a permis aux classes moyennes de maintenir leur niveau de vie. Et ajoutons à cela l'appréciation des actifs mobiliers et immobiliers, plus 50% entre 2003 et 2006. Et ajoutons encore une fiscalité favorable aux revenus non salariaux. Et on a une petite idée de l'environnement, hein, ça, tout ça, pour caractériser l'environnement macroéconomique de la crise financière. Et montrer qu'elle n'est pas arrivée comme ça. Parce que d'un seul coup, il y a eu une bulle, il y a eu une bulle de logement, bien sûr, mais il y avait tout un contexte. Donc la crise financière a donc une origine de long terme évidente dans le modèle de capitalisme financier introduit par la révolution néolibérale, déréglementation, mondialisation, pression sur les revenus, et certains régulationnistes soutiennent même que la crise économique était prévisible et que cette crise financière n'est pas seulement susceptible de dégénérer en crise économique, elle est de nature économique. Alors, troisième éclairage, oui, je raconte mon histoire, après je donne un éclairage macro, une histoire qui est principalement une histoire financière, ensuite je donne l'éclairage macro, et maintenant un peu d'éclairage micro, c'est-à-dire... Les ménages donc, ont été pris, on l'a dit, dans un effet de ciseau entre la course en avant de leur endettement, supportable tant que leurs biens immobiliers se valorisaient au même rythme, et la baisse subite des prix de l'immobilier après l'été 2007. Il n'en reste pas moins que la crise aurait pu rester circonscrite à l'Amérique. Et c'est bien le système financier enkysté dans cet environnement économique qui a permis la mondialisation de la crise. Donc il ne faut pas non plus renoncer à analyser le système financier lui-même. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire un peu maintenant. Alors, le récit des faits donne déjà quelques idées, mais il faut y ajouter une description des mécanismes purement financiers qui ont fait les vecteurs de cette extension. Alors, je pense qu'il faut commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que ce capitalisme financier? Donc, la gouvernance des entreprises n'est plus assurée depuis longtemps par les 200 familles fustigées par le Front populaire, j'ai écrit ça, et on a quitté l'ère suivante des managers décrite par Galbraith depuis le début des années 80, pour reprendre une phrase de notre président Bach. Les trompettes de la corporate governance ont sonné le grand retour de l'actionnaire. Ce sont aussi des bouquins repères qui, effectivement, offrent un bon paysage de ce changement qui veut que qui s'appuie sur les nouvelles théories d'entreprise, Williamson, etc., la théorie de l'agence, et qui met en avant les droits de propriété. Le capital financier est donc dominé par de nouveaux acteurs, les investisseurs, qui se regroupent. Donc c'est... Là, j'avais un chiffre, les ménages ne représentaient 91% des investisseurs en 1950, ils en représentent 1996 que 50% des actions cotées contre 91% en 1950. Donc les investisseurs individuels, il y en a beaucoup moins, il y en a encore 50%, mais il y en a beaucoup moins. Ils se font représenter par des fonds d'investissement, OPCVM, investisseurs institutionnels, etc., assurance, fonds de pension. Finalement, les actionnaires eux-mêmes financent et contrôlent trois catégories d'agents, c'est intéressant, les dirigeants des entreprises, les contrôleurs et les gestionnaires des fonds. Donc ça veut dire que c'est le régime de propriété, tous ces gens-là qui avaient une autonomie fantastique, alors en particulier les dirigeants d'entreprise, nous quand on a fait nos études, on ne nous parlait que ça, on nous parlait des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont un peu disparu dans le paysage, parce que finalement, ils sont la voix des propriétaires, des actions, du moins pour toutes les boîtes qui sont sur le marché des actions. Donc les actifs financiers, du coup, ont représenté une part de la richesse de plus en plus grande, deux fois le PIB au Royaume-Uni et aux États-Unis aussi, c'est à peu près le même ratio. Et donc la rentabilité des placements est devenue même promo de la croissance. Du coup, on a eu une sorte de course de vitesse en termes de placement financier, où est-ce qu'il vaut mieux le placer dans les entreprises ou sur les marchés financiers, et on sait que ça a changé profondément la nature du capitalisme dans lequel on se trouve, puisque cette course-là, cette concurrence, on pourrait dire, entre ces deux formes de placement financier, a fait que beaucoup de placements se sont dégagés des entreprises, et il y a quand même maintenant beaucoup de personnes qui crient, d'économistes, d'ingénieurs, j'ai fait un travail sur les ingénieurs des mines, j'ai regardé le discours de BFA, des choses comme ça, qui sont effarés par la désindustrialisation de ce qui est à l'œuvre actuellement depuis 20 ans, 20 ans. Donc ça, c'est une des caractéristiques de notre capitalisme qu'on oublie un petit peu, mais qui est extrêmement importante. C'est pas simplement la désindustrialisation de parce qu'il y a on fait plus de charbon ou plus de mines ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment parce qu'il y a d'autres moyens de placer son argent dans les entreprises, et donc on laisse faire ailleurs. Il y a toute la mondialisation aussi qui joue son jeu. Bicentenaire des mines, donc si vous voulez voir le discours de BFA qui est assez intéressant sur le. Donc comme le remarque Robert Boyer, cette crise trouve sa source, comme les précédentes, dans une innovation scientifique ou technique, ça va être mon point suivant, développée par quelques agents privés qui semblent avoir des effets de long terme. Ce fut le cas de la bulle Internet en 2000, le cas du krach boursier en 87, l'effondrement du fonds LTCM en 98, déclenché par le développement des nouveaux produits. Donc maintenant j'aborde un autre aspect des choses, c'est l'innovation dans l'industrie financière, hein, qui joue un rôle extrêmement important. C'est pas seulement que le capitalisme est devenu un capitalisme financier, c'est qu'il y a une innovation qui, depuis les années, on peut faire remonter ça assez loin, mais enfin, ça suffirait de faire remonter aux années 80. En fait, pourquoi aux années 80? Parce que c'est quand même là que se développent les produits dérivés, les contrats à terme ou les contrats d'option. Alors, il est important de noter que ces innovations sont à la fois des idées, ça me paraît important, dans les bouquins de finance, c'est pas toujours dit comme ça, des idées, des théories, des modèles, des mécanismes et des institutions. Hein. Et c'est assez difficile de trouver un bouquin de finance qui prend tous ces aspects, où on vous parle on ne vous parle pas des institutions, où on ne parle pas des mécanismes, on ne parle pas des modèles, enfin, on parle rarement de tout ça en même temps. Alors, je pense qu'il faut les traiter comme des véritables filières scientifiques et industrielles. Ça fait partie de ma terminologie, l'ingénierie. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on ne peut pas traiter de finance en laissant tomber un des mots que je viens d'utiliser. Idée, théorie, modèle, mécanisme, solution. Il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait rajouter. Sous peine de ne pas, voir que c'est une filière industrielle. Or, si c'est une filière industrielle, il faut qu'on ait... Alors évidemment, cette filière industrielle, elle ne traite pas des objets matériels du genre charbon, acier ou je ne sais quoi, mais d'un élément qui est aussi important dans nos sociétés, c'est le risque. Donc c'est le risque, c'est-à-dire l'objet même, hein, de ces nouveaux objets, de ces innovations permanentes en finance, c'est bien sûr d'essayer de couvrir des risques de plus en plus nombreux et couverture de plus en plus on se couvre d'une couverture, d'une couverture, d'une couverture, etc. Voilà. Bon. Donc, les risques, c'est des risques de taux pour les crédits, des risques de change monétaire, des risques de cours de matières premières. Et normalement, tout ça serait magnifique. D'ailleurs, c'est raconté dans les bouquins jusqu'à 2008 de manière magnifique. On a des innovations qui permettent de, chaque fois, traiter ces risques et de les gérer, on va dire, hein, avec des outils. Donc, des outils qui sont des modèles, des mécanismes. Et l'institution. Bien, alors, en achetant une certaine sécurité ou en assurant ou par assurance ou par endossement des risques à un tarif d'autant plus élevé que ces risques sont jugés importants, d'où l'importance des modèles d'évaluation du risque. Puisque c'est... Alors, le principal des mécanismes en jeu dans la crise de 2007-2008, c'est bien sûr la titrisation, risque de prêt, c'est-à-dire c'est, en gros, je la résume parce que je ne suis pas un spécialiste, on peut lire ça partout maintenant, ce n'est pas difficile. C'est une opération qui transforme des créances bancaires les plus diverses, y compris les subprimes, en titres, c'est-à-dire en actifs financiers de qualité variable, qui sont revendus à un organisme financier spécifique, soit les fameux SIV, Special Investment Vehicles, que les banques créent à côté d'elles quand elles n'ont pas le droit de faire ça, ou des entreprises spécialisées de type Fannie et Freddie Mac, lequel les emballe dans du bon pain. Alors ça, c'est mon écriture dans l'article, je parle de sandwich, c'est-à-dire que la construction, la titrisation, ça consiste effectivement à transformer ces créances bancaires en produits, en titres, mais avec toute une série de couches qui mesurent les qualités de ce qu'on met en paquet, on fait des packages, dans lesquels il y a donc des produits de qualité différente, les fameux AAA, comme je notais dans mon article, comme les andouillettes, AAA, voilà, c'est les bonnes, et puis ensuite, voilà. Oui. 5, oui, pour les andouillettes, on va jusqu'à 5, hein, parce que là, oui, mais il y a des trucs subtils, il y a des plus maintenant. Hein. C'est un spécialiste des andouillettes ici. Il faut que je fasse gaffe parce que je peux me faire aligner sur les andouillettes aussi bien que sur la finance. Bien, alors, donc avec en plus, on les emballe comme du bon pain, on revend ce gros sandwich indigeste grossièrement enveloppé, ça s'appelle un produit structuré, comme le CDO, c'est des obligations adossées à des actifs, voire des CDO de CDO, etc. Alors, on vend ça à qui ? Ben, des investisseurs, évidemment, qui cherchent des placements lucratifs, banques, assureurs, des places offshore, etc., des fonds de pension, des hedge funds, des fonds souverains, avec des risques calculés par des drôles de modèles dont on partira, qui sont ceux des modèles de la finance sur lesquels on va revenir. Donc c'est une technique de transfert de risque, on se passe une patate chaude, on la décompose en petits morceaux, et puis c'est de moins en moins chaud à la fin. Voilà. Bon. Sauf qu'il reste des morceaux qui sont vraiment... Alors cette technique permet aux banques de réussir trois opérations qui sont intéressantes pour elles. Se débarrasser de leurs risques de prêt, en particulier des risques inconsidérés avec les subprimes, mais aussi, deuxièmement, de contourner les règles prudentielles de Bâle 1 et de Bâle 2, qui exigent un certain ratio de fonds propres et une certaine qualité de prêt. Donc, si j'ai bien compris, mais là, je ne suis pas très technicien sur la question, le fait de créer des sociétés véhicules, là, ça leur permet ça. Troisièmement, la possibilité offerte aux banques commerciales de créer leur propre usine. Oui, ben c'était ça plutôt. Troisièmement, les banques commerciales, donc, de créer leur propre usine à sandwich hors bilan, hors contrôle. D'abordons donc des règles du Banking Act de 1933 qui séparaient les deux types de banques, banques d'investissement et banques commerciales de dépôt. Et alors, il faut ajouter à ça évidemment le laxisme des agences de notation qui sont invitées à bénir ces sandwichs, comme j'avais écrit, mais... payés par les banques émettrices, dont on savait déjà, on devait savoir déjà évidemment, que ces agences de notation n'avaient pas tout ce qu'on a dit de neutralité. Ça ne suffit pas pour dire que ça ne suffit pas à dire qu'elles sont payées, mais enfin c'est déjà un indice quand même. Dès lors, la course de la rentabilité et le rejet de la patate chaude du risque ont fait le reste. Poussé par la recherche de profits plus grands et sans risque, les banques ont fait circuler ces produits structurés, mélangeant des prêts différemment notés, tranche senior AAA, tranche mezzanine, tranche equity, etc., qui arrivent en bout de chaîne, se présentaient à l'investisseur sous un emballage qui ne lui permettait absolument pas d'en évaluer les risques. Ça fait penser un peu au manque de traçabilité des produits alimentaires ou des médicaments ou de... C'est la même histoire de traçabilité qui est en jeu. Bien sûr, les banques et intermédiaires qui ont monté de telles opérations offraient des garanties, garanties de liquidité de leurs fonds propres, mais aussi garanties qu'apportaient les assurances spéciales, les fameux CDS. On est arrivé ainsi à des produits dont, je le répète, la traçabilité était quasi impossible à établir. Comme dans les affaires sans contaminer aussi d'ailleurs. Au centre de cette ingénierie financière, la gestion des risques est donc la grande affaire, que l'on considère les placements de fonds privés et institutionnels comme spéculatifs ou seulement nécessaires. Leur engagement dans les circuits financiers que nous venons de décrire pose le double problème de l'évaluation de leur rentabilité et de leurs risques. C'est ici qu'intervient la théorie financière et son incorporation dans des modèles de formation de prix. Donc je vais passer maintenant un peu aux techniques financières. Et puis, oui, il ne faut pas que je dise tout ça parce que je voudrais bien pas, voilà, que je finisse dans quelques temps pour qu'on puisse faire un premier débat là-dessus. Alors, le chapitre suivant, la section suivante s'appelait « Le hasard n'est plus ce qu'il était ». C'est-à-dire que je racontais, mais là on ne va pas le faire, vous connaissez tout ça, l'histoire un peu de la finance, en passant par, évidemment, maintenant c'est le point de passage un peu obligatoire, la thèse de Bachelier en 1900, dont on sait quand même qu'il y a des précurseurs, hein, en particulier à certains réunions, qui maintenant ont été découverts et promus par un et un seul chercheur, mais qui passe par ça, qui s'appelle Jovan Lewitt. Comment ? C'est Bernard Bruy, en fait. Oui, moi j'avais déjà eu un exposé de Bernard Bruy dans les années. Il a passé à Jovan Lewitt. Oui, oui. Mais lui, on a fait un. C'est Bernard Bruy, en fait. Il a 80. Au début, oui, il avait celui qui avait trouvé. Oui, oui. Il nous avait fait un exposé dans les années 80. Voilà, c'est ça. Voilà, alors donc, pourquoi ça ne va pas avec ces modèles ? Bon, alors en gros, donc, si je n'ai pas envie de reprendre tout. On va tout, parce que là tu as dû faire des exposés sur ces questions-là quand même. Du point de vue du séminaire qu'on fait depuis le début d'année, on a plutôt abordé les questions d'ordre général, enfin dans ce séminaire-là. Mais, donc je continue un peu à rester quand même à être précis plutôt je que. J'en ai fait un, plutôt là, que j'ai fait un. Bon, d'accord. Sur la performativité. C'est l'année dernière, oui. L'année dernière. C'est la grosse discussion. Ouais. Oui, oui. Bon. Alors, la. Donc, ah oui, tu es le contraire, tu veux dire que tu peux aller vite là-dessus ? Non. Non. Parce que. D'accord. Non. Bon. Donc. Moyennement. Ok, ok. Alors. Donc, qu'est-ce que. Bon, le point de départ, effectivement, aussi bien chez Bachelier que chez. C'était déjà donc chez Regnault, c'est tout simplement que les cours de la bourse fluctuent, hein, donc peuvent être traduits par une variable aléatoire, comme ça, donc des valeurs et des probabilités. Et que cette variable aléatoire est aussitôt affectée. On lui affecte aussitôt une loi qui est la loi de la place grosse, loi en cloche, dite plus tard loi normale à la fin du siècle, par Galton et par. Ils sont deux à avoir appelé ça loi normale, alors qu'avant on l'a appelé la loi des erreurs, puis la loi des possibilités, puis je remonte dans le temps, et puis au début la loi de la place grosse. À la fin du siècle seulement, donc les années 1889, dans Galton, ça apparaît à peu près 150 fois, loi normale, donc c'est l'inventeur un peu, mais c'est aussi Lexis qui avait utilisé les expressions infra et supranormale, donc ça vous posait bien qu'il y avait une loi normale entre les deux. Oui, alors, donc ça, c'est une parenthèse. Il y a aussi donc la notion de marche au hasard, c'est-à-dire que dans la thèse de Bachelier déjà, donc, que l'écart entre les courbes au temps 0 et t est en raison directe de la racine carrée des temps t. Donc, il y a ces deux lois qui sont présentes dans la finance des bacheliers. Hein. Donc, une vision statique, une vision dynamique, hein, en gros. Hein. Marche aléatoire, c'est donc tout simplement que vous imaginez une action comme un petit objet. On le simule sur ordinateur maintenant gentiment, qui a une chance sur deux de monter ou de descendre. Et on regarde tranquillement quel est le cheminement qui se produit. Et on s'aperçoit que cette marche au hasard, alors si on. Si je fais une fois sur deux comme ça, j'ai une vraie marche au hasard. Si j'en ai d'autres processus, hein, là, il n'y a pas assez des processus sans mémoire, sans, etc. Il n'y a pas plus de chance, ayant déjà monté trois fois, de monter la quatrième que de descendre. Hein. Et on a sur cette marche au hasard donc un écart qui, en probabilité, on peut retomber à zéro gentiment un jour, hein, et en probabilité, on a un écart entre le cours au temps zéro et au temps t qui est, comme je l'ai dit, en raison directe de la racine carrée des temps. Voilà. Ces deux visions donc sont là, et on a une troisième chose qui est déjà affirmée en partie dans la thèse de Bachelier, je ne suis pas retourné la voir, mais qui va faire l'objet de travaux importants, c'est l'idée que l'espérance du spéculateur est nulle, c'est-à-dire que le cours le plus probable est le cours vrai actuel. Dit encore, le marché contient toute l'information, le cours du marché, oui, contient toute l'information utile à une prévision. D'ailleurs, on ne peut pas. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus faits pour vérifier cette hypothèse, parce que c'est une espèce de troisième loi des marchés financiers, qui sera écrite de toute façon différente, qui est donc l'efficience des marchés, ou encore l'absence d'arbitrage. Tout ça étant à peu près des équivalences qu'on va construire petit à petit. Hein. Pour aller vite. Voilà. Alors la première conséquence de cette théorie mathématique de la spéculation est donc qu'il est impossible de faire mieux que le marché, de battre le marché. Pour les analystes et conseillers. C'était d'ailleurs assez intéressant puisque c'est Coles qui lui-même étant conseiller financier. Garcia avait fait faire des études dont la conclusion était que ce qui est d'accord, hein, c'était à étudier ça. En 37, c'est ça. Hein. Cosa mia, il est ruiné, il n'est pas possible. Que puis-je faire, moi, psychologue scientifique, alors que mes parents étaient ruinés à cause de la crise. Voilà. Et tout son article avait été quand même de prouver que le conseil financier, il avait bien fait des doubles échantillonnages, hein, des échantillons appareillés, sur des comment gérer. Sur deux gestionnaires de bourse, l'un qui ferait ce qu'il a envie de faire n'importe quoi, et l'autre qui serait conseiller. Et donc tous ceux qui étaient conseillers ne gagnaient plus tard que ceux qui ne l'étaient pas là. Pour aller vite. Le talent des professionnels n'était pas prouvé pour les conseils financiers ou les placements des assureurs. Voilà. Qu'on soit d'ailleurs chartiste, c'est-à-dire techniste, qu'on appelait les techniciens ou les chartistes, c'est ceux qui recherchaient dans des invariants dans le mouvement du passé, hein, ils regardaient les courbes, ils disaient. Je sens là, ça devrait monter, etc. Parce que ça a monté, parce que là, il y a une petite forme de courbe qui ressemble à celle qu'il y avait il y a 7 ans, etc., etc. Donc là, il y a eu beaucoup de boulot, sur ce, beaucoup de connaissances accumulées sur cette chose-là. Et, ou que ce soit les fondamentalistes qui, évidemment, ramenaient la bourse aux fondamentaux de la macroéconomie, que ce soit les différents taux qui marquent la marge de l'économie mondiale. Bien, alors. En gros, il y a une petite innovation à un moment, donc on ne parle plus maintenant de regarder exactement la loi suivie par le cours, mais on s'intéresse à la rentabilité directement, qui est un taux. Alors c'est effectivement là, ce qu'on appelle la rentabilité, on ne parlera que de ça tout le temps, c'est log de ST moins log de S0. S, c'est donc la valeur du cours, effectivement, hein, à la date T, et S0, c'est temps T0. Et donc, on s'intéresse à la différence logarithmique, donc je rappelle que mathématiquement, la différence des logs, c'est le log du quotient, donc c'est le log de ST sur S0, ou encore le log de 1 moins delta S sur S, donc finalement, et le log de 1 moins le taux de croissance, et le taux de rentabilité, plus exactement, ici, à la croissance. Et donc, finalement, le log de 1 moins R, vous savez, quand R n'est pas trop grand, c'est à peu près R, d'accord ? Voilà, donc ça c'est cette chose-là qu'on va regarder et on va admettre que c'est cette chose-là qui suit une loi normale et que c'est cette chose-là qui se balade comme une marche aléatoire. Voilà. Alors, les innovations techniques vont passer dans les années 50 par les travaux de Markowitz, la suivante, qui est, et ça c'est intéressant parce que finalement, moi dans mon livre, j'avais fait l'histoire du modèle linéaire, j'étais tombé un peu dessus et donc toi, tu avais repris ça à juste raison en voyant Markowitz comme un épiphénomène dans le milieu de la finance du développement du modèle linéaire. Donc moi, par ailleurs, j'avais étudié l'histoire. Donc ça, c'était tout à fait intéressant de croiser nos travaux respectifs. Donc pourquoi ? Parce que Markowitz, du moins dans la forme numéro 2 de son modèle, quand il cherche à étudier le portefeuille optimal, puisque c'est ça la question qui est posée, comment essayant de construire un modèle de gestion de portefeuille, et bien dans ce portefeuille, la recherche du portefeuille optimal, ça serait évidemment, à l'époque, avec les deux outils de moyenne et de variance, c'est celui qui minimise le risque, la volatilité, donc la variance, pour un rendement moyen, donc moyenne, donnée, hein, puisqu'on a deux paramètres, on en fait un rendement, puis on se dit qu'il est celui sur lequel j'ai le risque le plus petit possible. Et donc, ça donnait des choses assez compliquées au début, parce qu'il fallait manipuler des matrices gigantesques de tas de valeurs qui, elles-mêmes, sont dépendantes, interdépendantes, etc., qui ne sont pas de corrélation. Donc l'astuce a été, avec Sharpe, hein, c'est ça ? L'astuce avec Sharpe qui a été de remplacer l'ensemble des autres valeurs par en gros, le marché lui-même, hein, le marché dans son ensemble. Et donc, du coup, on régresse, on fait une régression au sens du modèle linéaire, c'est-à-dire qu'on écrit que le rendement d'une valeur quelconque, d'un actif quelconque, on peut dire, donc est une fonction linéaire du rendement du marché. Alors quand on a montré cette relation-là, bah, la pente de la droite donne une idée, c'est les fameux bêta, donne une idée du fait que la valeur en question, l'actif en question est risqué, très risqué, plus que le marché, moins que le marché, comme le marché, etc. Donc ça, c'est un modèle qui a donc eu lieu et qui a donné lieu, évidemment, à des outils. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment c'est une théorie se transforme immédiatement, et on y reviendra, c'est bien sûr dans l'objet principal de ma séance, là, d'essayer de vous convaincre que si on s'arrête, là, ben, on n'a pas compris grand-chose, quoi. Il faut regarder après comment s'articule cette théorie-là avec les pratiques sur les marchés et avec l'actualité globale, économique globale, comment ça interfère. Alors, cependant, cette théorie, donc, on va très vite s'apercevoir qu'elle est... très vite, disons, dans les années 60, puisque là, j'étais en 50, vous voyez qu'on est juste, et même en 63 avec Sharpe, dans les années 60, au même moment où cette théorie prend le devant de la scène et donne lieu donc au fameux modèle MEDAF en français, CAPM en anglais, eh bien, à ce même moment, Mandelbrot, mathématicien, produit ses premières analyses en montrant que non, les actifs financiers, que ce soit simple boursier ou autre, ne suivent pas une loi normale et ne suivent pas une marche aléatoire. Alors il faudra rentrer dans le détail, mais en gros déjà si on regarde un petit peu le détail, donc la contestation elle porte sur plusieurs points, donc je vais les lister très précisément. Premièrement, la distribution des rendements d'actifs n'est pas gaussienne. En théorie, ces rendements ne résultent pas de l'addition de chocs aléatoires homogènes et indépendants, parce que je rappelle que pour avoir une loi normale, il faut avoir une addition de variables aléatoires. C'est ça qui génère des lois normales. C'est l'origine de la loi normale, c'est la convergence d'une somme de variables aléatoires de même loi. Donc, or, on n'est pas dans cette situation-là, on n'a pas des chocs aléatoires homogènes et indépendants. C'est-à-dire ce qu'on a en finance, selon Mandelbrot et selon d'autres, hein, en particulier toi, John Weber et d'autres encore, voilà, plusieurs autres. Donc on n'est pas dans cette situation-là, dès qu'on regarde un petit peu de près, alors on n'y est ni pratiquement ni théoriquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette fabrication de la loi normale par addition de choses qui ne seront pas indépendantes et qui ne sont pas homogènes. Ça, que pas homogène, au contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de concentration autour d'une valeur modale et en même temps moyenne, du coup, puisqu'il y a symétrie dans la loi normale. Donc cette histoire, le théorème de Laplace qui dit que quand on ajoute des variables de même loi, ça fait une loi normale, ce théorème-là ne marche que s'il y a cette condition d'homogénéité et qu'il y a d'autres conditions derrière techniques qui sont que les lois de départ ont des moyennes et ont des variances. Donc, au contraire, les chocs sont très hétérogènes, hiérarchisés et interdépendants. C'est ça qu'on dit. En analysant de plus près les statistiques boursières, elles présentent des queues de distribution plus épaisses que la loi normale. On appelle ça le phénomène leptocurtique, laissant à penser que les événements extrêmes sont beaucoup plus probables que dans le modèle gaussien. Alors, j'ai relu là, ce petit bouquin de Daniel Zaldenweber, qui donne pas mal d'exemples. Donc, on peut en prendre deux ou trois rapidement. Il donne des exemples sur le Dow Jones, page 30. Voilà. Et il trouve que, par exemple, l'amplitude des variations extrêmes en nombre d'écarts types, eh bien sûr, alors il analyse combien de... Il analyse un nombre considérable, voilà, 29 000 jours, hein, sur le New York Stock Exchange, depuis 1897. 29 000 jours, d'accord, sur ces 29 000 jours. Si la loi avait été normale, on aurait eu un certain nombre de valeurs exceptionnelles dépassant, par exemple, vous savez que dans la loi normale, vous ne savez pas, que dès qu'on dépasse, il a les valeurs là, dès qu'on dépasse 3 ou 4 écarts types, les probabilités deviennent excessivement faibles. Hein, j'ai pas les chiffres en tête, il les écrit quelque part, oui, ils sont là, voilà. Par exemple, il trouve que le nombre de cumulés de variations positives extrêmes depuis 1897, dépassant 6,83 fois l'écart type, eh bien, il en a trouvé 20, alors que la loi de Gauss, il aurait dû y en avoir 6, 10 puissance moins 8, donc très très très très peu probable. Et là, il en trouve 20 sur, c'est un nombre absolu, là, attendez, nombre, oui, puis l'autre, c'est un nombre, si, nombre théorique d'après la loi de Gauss, inférieur à 1. Et puis, Il regarde ça pour différentes choses et bon, je ne vous donne pas le détail, chaque fois il trouve des... Sur la semaine de la faillite de Lehman, j'avais quelques gens qui étaient à 10 puissance moins 20, juste comme ça pour le dire. Voilà. Donc c'est très... c'est relativement, si vous avez... Il faut des séries très très nombreuses, évidemment, parce que ça se passe dans le bout de la série. Il a fait ça aussi, c'est assez intéressant, parce que ça va rejoindre mon deuxième point que je vais traiter tout à l'heure, en espérant avoir le temps. c'est-à-dire les événements exceptionnels climatiques, et ils trouvent des choses tout à fait bien, donc on peut regarder ça. Bien. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deuxième point. Donc, mon premier, c'est la distribution des parousiennes. Mon deuxième point de Mme Vandelbrot, c'est il faut modéliser ces queues de distribution par une loi de Pareto. La loi de Pareto date de 1895. Elle est tout à fait simple. Elle dit que si vous prenez une distribution de n'importe quoi, donc de taille, de salaire, de ce que vous voulez, ça suit une loi de Pareto, on a une relation linéaire entre le logarithme de la probabilité d'être au-dessus d'une certaine valeur et cette valeur, et le log de cette valeur. D'accord ? Voilà. Bon. Donc il y a une relation linéaire facile à vérifier. Et cette loi de Pareto, elle assure donc des probabilités bien plus importantes à ces queues de distribution, et elle serait beaucoup plus utile. Alors là, vous avez, ça c'est le dada de la jeune Deller dans le bouquin. Il va tout passer au filtre de la loi. Et il va trouver chaque fois. On sait que la loi de Pareto n'est qu'une des lois d'une famille plus générale, qui sont les familles de lois dites de Pareto-Lévy, du nom de Lévy, de Paul Lévy, qui était un mathématicien qui, dans les années 20-30, a mis en avant ces lois comme étant les lois stables, c'est-à-dire une grande catégorie des lois stables. Une loi stable, c'est quand par l'addition, on se retrouve dans la même famille, si vous voulez. Hein, c'est pour aller vite aussi encore, quand on fait une convergence, on va retrouver une loi qui est de la même famille. Donc, le troisième point, il propose de considérer plus généralement un autre ensemble de distributions dites de Pareto-Lévy qui dépendent d'un paramètre alpha et qui sont stables pour l'addition, mais qui n'ont pas forcément de moment d'ordre inférieur, qui n'ont pas du tout de moment inférieur à un ordre inférieur à alpha. Alors je m'explique. L'alpha, c'est la pente de la droite dont je vous parlais tout à l'heure pour Pareto. En gros, pour les données climatiques, ils trouvent des pentes de l'ordre de moins 1. Pour les données financières, ils trouvent de l'ordre de moins 1,5, moins 1,8. Donc on est toujours en dessous de 2. Et on peut quelquefois même arriver en dessous de 1, dans certains cas, pour ces lois des extrêmes. Il appelle ça la loi des extrêmes, lui, au lieu de loi de Pareto-Lévy, mais enfin c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les lois n'ont pas de variance, et donc ça veut dire que toute la gestion de portefeuille, par exemple, n'a pas de variance, c'est pour rien du tout, puisque la variance n'a pas de sens pour des distributions de ce type-là. Ou plus exactement, si on gère les portefeuilles de cette façon-là, eh bien, on ne va pas voir venir on va sous-estimer les événements qu'on peut appeler extrêmes. Oui. Voilà. Quatrième point, mis en avant par Vandelbrot, tu me corrigeras si j'ai fait des erreurs sur tout ça, ou vous me corrigerez, vous êtes plusieurs. Un tel processus possède une propriété de similarité aux différentes échelles, ça veut dire qu'il y a la même allure pour des observations prises toutes les minutes, tous les jours ou tous les mois. Il y a une relation scalante, on l'appelle comme ça, qui s'écrirait R, c'est toujours le R, c'est le rendement, hein. R pour la date NT est égal à un coefficient que multiplie R à la date T, et ce coefficient étant N1 sur alpha. N sur alpha, donc, en gros. Donc ça veut dire qu'on peut toujours prendre un bout, hein, un bout de la relation, et on a encore une même loi. Pour aller vite. Comment ? C'est les fractales. C'est les fractales, tout à fait. Ça explique le fait que Vandelbrot associe dans son bouquin Finance et fractales, qui est un autre bouquin dans cette même collection jaune là. Celui-là, c'est Économie des extrêmes, crack, apostrophe et inégalité. Économie des extrêmes, date de 2000 pour la première édition et de 2009 pour la seconde édition. Donc, il s'agit bien, sans aller plus en détail, vous voyez que j'ai donné les principales critiques de Vandelbrot, et puis je vais plus loin, il s'agit bien d'un paradigme alternatif au paradigme dominant, pendant tout le XXe siècle, et bien que des chercheurs français comme Taleb, Ashton-Weder, Wechter, etc., aient suivi le chemin montré par Vandelbrot, et montré que ce nouveau paradigme pouvait tout à fait expliquer les fluctuations des marchés boursiers ou dérivés, enfin surtout boursiers, mais bien mieux que celui du mouvement brownien, il semble que les financiers le récusent encore. C'est-à-dire, dans la pratique, on a peu digéré cette innovation de Vandelbrot, et du coup, les périodes de crise comme celle d'octobre 87 ou celle des années 2007 ont été propices à s'interroger sur ce modèle, mais entre les deux, on recommence toujours à reprendre le modèle standard d'une certaine façon. Donc, ce qui nous vaut une sous-estimation des risques. Donc, ça fait partie pour moi, effectivement, cet aspect technique que j'ai développé, d'une des facettes de la crise que l'on a vécue. Alors, sur les modèles, dernier point, les modèles qui performent la réalité et l'expertise. Terminé sur ces sujets plus généraux, hein, qui étaient dans mon texte, et puis on s'arrête ensuite, j'aurai parlé une heure à peu près, et on discutera sur ça, et puis je repartirai sur le deuxième thème et le troisième ensuite. Donc, alors, l'erreur dont on vient de parler sur les hypothèses est d'autant plus grave qu'elle est intégrée dans des modèles d'évaluation et à des procédures de gestion. À vrai dire, les marchés financiers sont pensés et régulés selon les modèles dont le soubassement scientifique représente un paradigme épuisé et contesté. Donc, ça pose quand même problème, pas seulement d'un point de vue théorique, hein, pas simplement dans un séminaire, ça pose un problème dans les salles de marché. Donc, les considérations techniques qui précèdent sont un peu insuffisantes pour justifier l'ampleur de la crise, mais il paraît plus raisonnable de penser que les erreurs du modèle sont seulement des erreurs de représentation des marchés financiers et que le verre n'est pas dans le fruit des mathématiciens de la finance, mais dans les usages qu'en font les opérateurs de marché. Quand j'écris ça, c'est que tout simplement, c'est le laïus de tous les mathématiciens qui sont en finance. Hein. Ils disent, c'est nous, c'est tout bon ce qu'on a fait, on a toujours fait le bon. Voir par exemple, j'avais amené quelque chose, mais je vais ça. C'est tombé par terre. Mais voilà, c'est ça. Si vous plaît, là, la discussion avec Nicolas Carouy que j'avais eue dans le séminaire. Il y a eu un séminaire au centre Cournot, qui est un centre d'économie qui vient d'ailleurs de fermer et qui va rouvrir sous une autre forme, mais il a fermé parce qu'il est plus financé par le Saint-Gobain. Mais les gens qui étaient à la tête de ce classe ont trouvé d'autres moyens de financer par une fondation. Donc si vous écoutez son discours à elle, et son discours à elle, c'est ce truc-là d'un an ou deux, je ne sais plus, d'un an et demi par là, 9. Donc on est en pleine crise, on en sort tout juste, et elle n'a à peu près aucune phrase sur la signification de ce crack financier. Elle vient faire un topo à... Moi je suis le répondant, je ne sais pas trop quoi faire. Alors je lui envoie 4-5 questions gentiment pour lui dire que ce qui serait intéressant, c'est quand même qu'on discute du rôle des modèles mathématiques financières dans cette crise. Donc ça, vous pouvez le lire là-dedans, c'est peut-être encore sur Internet, je crois. Alors, donc, par rapport à ce discours-là, il y en a évidemment un autre, qui est un discours qu'on pourrait appeler gauchiste, hein, d'anti-scientiste, etc., qui dit... il y a eu la complicité tacite des théoriciens eux-mêmes qui portent une immense responsabilité dans la crise. On a utilisé des modèles mathématiques pour tricher avec les risques. Oui, vous entendez ces discours dans la presse, on trouve ça, par exemple, dans la tribune du 3 novembre 2008. Je suis assez précis chaque fois pour que vous ayez au moins un exemple de ce que je raconte en faisant croire. On a fait croire qu'on pouvait transformer le plomb en or grâce aux mathématiques, etc. C'est toute la thématique de ça. C'est Thierry Brice qui dit ça dans la tribune. Oui. En 90, oui. Lui-même refusait des modèles non browniens dans la revue Finance qu'il dirigeait. Donc on peut dire « jeune tête et bigote », mais en tout cas, il était un acteur de ce que... Tu me l'avais dit, je me souviens. Oui, Les rats qui connaissent. Et oui, bien sûr. Et ils hurlent avec les loups, les rats hurlent avec les loups. Bien, alors, pour en rendre compte, je pense qu'il faut discuter des propriétés des modèles. Donc, c'est un peu ça qu'on va attaquer maintenant. Alors, ce que j'ai écrit dans ce papier, mais on y reviendra évidemment dans mon deuxième cas, et on y reviendra dans la généralisation que je vous propose à la fin, c'est ce qu'on appelle, alors là, je parlais tout simplement d'abord d'effet Pygmalion, ou de capacité des modèles à produire des prophéties autoréalisatrices, parce que ça, c'est connu depuis longtemps, c'est clair, c'est classique. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut entendre cette affirmation, d'abord dans le sens assez ancien que toute ingénierie a pour objet de se saisir des résultats scientifiques pour en faire des dispositifs efficaces qui transforment le monde, ça c'est assez simple, mais ensuite, dans un sens plus large, le concept de performativité repris par Michel Cagnon et Mackenzie suggère que les théories scientifiques, les modèles et les énoncés ne sont pas des constats, pas que des constats en tout cas, ils sont activement engagés dans la constitution de la réalité qu'ils décrivent. Alors, c'est cette... Gallon a parlé... J'ai lu encore un texte ce matin. Là. Il a parlé d'abord de performativité, puis ensuite de performation. Hein, il a changé de vocabulaire en route, en fait. Il faut faire attention. Bon. Et donc, pour lui, c'est cette propriété-là... Alors, relisons bien, non plus lentement, peut-être la phrase que je viens de faire. Hein, ils sont engagés dans la constitution de la réalité qu'ils décrivent. Voilà. Donc, ça veut dire... Alors, évidemment, on lui a posé tout d'abord. Donc, ça veut dire que la réalité n'existe pas. Alors, il dit non, bien sûr. une réalité qui préexiste, qui est, il y a toujours une au départ. C'est comme quand on nous demande ce qu'a été la première table qui ait jamais existé, quoi. Mais ou ce qu'a été la premier, le premier cours en Sorbonne, ou je, que sais-je encore. On a des questions comme ça, les historiens nous posent. Donc il y a effectivement, on ne peut pas dire que le modèle, les modèles financiers ont créé les marchés financiers. Ça, c'est pas trop possible. Par contre, qu'ils les aient formatés à l'aide d'un certain nombre de dispositifs bien particuliers, oui. C'est-à-dire qu'ils aient reconstruit la réalité pour que le modèle fonctionne dans la réalité, c'est ça. Alors moi, je pense que cette idée de performativité est d'ailleurs en continuité avec l'idée qui était celle de Bruno Latour, dans son premier ouvrage, quand il parle de Pasteur, vous savez, il a sa première, c'était sa thèse, je crois d'ailleurs, c'est Pasteur et Boucher. Vous savez que Pasteur a mis en évidence le microbe de la rage et il a vacciné des moutons. C'était pas la rage, c'était la tremblement du livre. Il y a eu la rage et il y a eu le mouton, je me souviens. Bon. Et la thèse de. Il y a des tas de thèses autour de ça de Bruno Latour, mais une des thèses, c'est que pour que l'expérience marche, dans la ferme, il a réussi à vacciner les moutons, et ça a marché, mais il a transformé la ferme en laboratoire. Donc, si vous voulez, il a transformé la réalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une barrière pour qu'il n'y ait pas de transmission de germes de l'extérieur à l'intérieur. Il a nettoyé tout ça parfaitement, il a mis des blouses blanches, vous avez vu des fermiers, vous voyez, des blouses blanches. Enfin, petit à petit, oui, on en voit, les laiteries paysannes ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient du temps de ma jeunesse. Hein, mais en gros, la thèse, c'est ça, si vous voulez, c'était une thèse de la tour. Donc, et là, on peut dire que c'est une variante de cette thèse, consistant à dire, eh bien, une théorie, donc du langage, hein, le mot théorie, c'est d'ailleurs... Son idée est prise de Hosting et de la linguistique. Donc c'est un langage qui performe le monde, hein, c'est ça. Donc pour que ce langage performe le monde, eh bien ça veut dire tout simplement donc qu'il ne s'y applique pas. Ça c'est une forme, si vous voulez, qui existe, hein, que la théorie s'applique sur le monde. Mais ce que veut dire Calon, c'est plus que ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'elle peut s'appliquer parce qu'on a déjà, la théorie a déjà transformé le monde lui-même. Voilà. Bon. Pour qu'elle puisse s'appliquer. D'où le fait que, alors si vous réfléchissez un peu, c'est passionnant parce qu'on trouve de ça partout, tout le temps. C'est-à-dire que, aussi bien au niveau des sciences que des technosciences, ouais. Votre ordinateur fonctionne que parce que vous avez adapté tout votre mode de vie, votre manière de gérer votre information, pour que ça fonctionne, etc. On peut prendre beaucoup de choses comme ça. Et en particulier, les modèles, les marchés financiers ne fonctionnent que parce que, avec les modèles en question, que parce que justement ils sont organisés par les modèles en question. Alors, ils ont été réorganisés, ils ont été pensés. Alors, il y a aussi derrière ça l'idée de la thèse de Mounieza qui était assez intéressant. Mounieza est un élève, mais il est maintenant assez vieux, hein, de Calon, qui a fait sa thèse avec lui, sur l'informatisation de la bourse. Donc, quelle année c'était 95, peut-être, un machin comme ça, hein, dans ces eaux-là. Bon, avant. C'est donc, fin des années 80. Fin des années 80. Non, l'informatisation de la bourse. Ouais. Total. La fin du palais de Brognard. La fin de la campagne. La cotation automatique, je pense que c'est 87. La cotation automatique. Sa thèse est de 2003. Donc je parle. Donc, la thèse est de 2003. Oui. Ouais. Il a étudié. C'est la fin des années 90. Moi, je pense que c'est quand même pas 80. Non, mais ça peut-être. Bon. Donc, il y a une procédure, un processus, pardon, qui a été long, qui a consisté à remplacer tout ce qui fonctionnait dans la corbeille, qui était des manipulations un marché de verre écrit avec des gens qui crient, tout ça, vous avez tous vu ça, les tableaux qui s'affichent, etc. Donc, par une informatisation complète, de telle manière que maintenant, il n'y a plus besoin de cette corbeille. Eh bien, Mounieza a montré que, si vous voulez, la reconstruction du marché des actions, donc de la bourse, s'est faite avec une théorie dans la tête des marchés parfaits, on va le taper comme ça, Valracien, et il montre comment chaque innovation technologique informatique avait pour but de se rapprocher de la théorie, de construire, autrement de faire en sorte que le marché fonctionne bien comme Valracien. Donc c'est à peu près cette histoire de performativité donc que je mobilise moi aussi de temps en temps pour expliquer que quand je vais parler ensuite d'ingénierie, eh bien, il me semble que les ingénieurs, eh bien, on les voit comme des gens qui appliquent la théorie, okay, on peut le voir comme ça, mais on peut aussi les voir comme des gens qui sont les acteurs de cette performation hein, et, des marchés et de la réalité par, par la théorie. Hein. C'est-à-dire que, alors bon, alors, vous avez évidemment l'histoire du LTCM, il faudrait raconter tout ça, mais bon, on va prendre 36 exemples, là, puisque j'ai dit que j'allais un peu vite. Donc le modèle offre à la fois une représentation simplifiée de la théorie, une représentation des observations aussi prises sur cette réalité. Et dès lors, le passage des usages heuristiques aux usages prescriptifs peut être très rapide. Le modèle ne tend plus tant à valider des hypothèses théoriques qu'à mettre à l'épreuve le succès d'année du système qu'il représente. Le même modèle sert à la fois à la compréhension du système et à sa manipulation. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est les mêmes modèles que les mathématiciens ont mis au point, qui tournent dans les salles de marché. C'est le même modèle que, et ça va très vite, quand on interroge les mathématiciens, ils disent le week-end, ils font une petite amélioration, et le lundi matin, dans la salle de marché, l'amélioration est opérationnelle. Donc, on n'est pas dans de la science pour la science, dans de la science académique, etc. On est directement sur quelque chose qui va agir sur le fonctionnement du marché le lendemain matin. Alors, les délais, le lendemain matin, les délais en finance sont quand même extrêmement courts, puisque les délais d'adaptation des modèles dont je viens de parler, quant aux délais correspondant aux ordres passés, vous savez que c'est de l'ordre de la microseconde. C'est-à-dire qu'actuellement, un bon en salle de marché, il vise une des fenêtres qui sont de la largeur de quelques secondes, une microseconde, entre deux prix, évidemment. Pour que ça... Bon. Alors, je raconte ça, je raconte les que tout ça, ça vient de cette idée-là. La première chose qui a illustré merveilleusement l'idée de performativité, ça a été évidemment l'invention de Merton, et c'est d'ailleurs Mackenzie a pris cet exemple-là. Il l'a décortiqué complètement dans le dernier bouquin qu'il a écrit. C'est un des chapitres du bouquin collectif qu'il a écrit. Le bouquin collectif s'appelle, j'ai pas noté ça là, mais quelque part peut-être, mais je sais pas. Si, voilà, c'est Mackenzie, Munieza et Siu, Do Economists Make Markets 2007, Princeton. Donc dans ce bouquin-là, il y a, c'est dans celui-là, je crois, ou dans le premier de Calon, il y avait déjà un article aussi de Mackenzie, je ne sais plus lequel, traite de l'innovation de Merton, inventeur avec Black et Scholes de la théorie des options, où on a un magnifique exemple, quand vous le décortiquez bien, de cette. Bon, je ne vais pas parler de ça, on ne peut pas parler de tout. Je vais m'arrêter. Alors, je voudrais terminer juste. Donc, moi, j'appelle risque de modèle. Je ne sais pas, j'aimerais bien que vous disiez si. En gros, j'ai un de mes articles, je l'ai titré comme ça. C'est comme ça. Du modèle, des modèles de risque au risque de modèle. Et. C'était peut-être celui-là que j'ai titré comme ça, je me souviens. Oui, c'est ça, le modèle du risque et risque de modèle. Voilà, c'était le titre de l'article que je viens de débuter. Et je. Bonjour. Et donc, ce qui me paraît. Alors, c'est une expression qui est utilisée par les financiers, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent dans le même sens que moi, j'utilise ça, j'aimerais bien qu'on en discute. Je laisse la discussion peut-être. Bien, alors, je voudrais finir sur l'expertise, 5 minutes, et c'est tout. Je vais lire ce qui est là. Bruno Latour nous invite à lire toute crise passée dans les technosciences, l'ingénierie financière en études, comme une attribution et pas comme un donné de l'histoire des sciences. Ça veut dire que la crise n'est pas tant une réalité indépendante qu'une reconstruction par différents acteurs. D'ailleurs, voyez aujourd'hui, je me suis un peu énervé hier en écoutant la radio et la télé, ça m'arrive comme tout le monde, à propos des événements qui nous disent d'Égypte, où on nous dit la crise. La crise. On ne dit pas la révolution, moi je dis la révolution, mais non, ils disent la crise. Donc la construction même de l'idée de crise, il faut y faire attention, c'est bien une reconstruction par certains types d'acteurs, les autres ne reconnaissant pas que c'est une crise, ne reconnaissant au contraire que c'est le régime assez. C'est l'ancien système qui était pas tout à fait parfait quand même, la dictature, c'est pas. Donc ça veut dire que ce qui est normal, c'est la dictature, et ce qui est en ce moment en train d'évoluer, peut-être. En tout cas, vers une démocratisation est une crise. Et ça fait des problèmes. Hein. Bon, voilà, il faut de temps en temps garder les mots parce qu'ils sont complètement renversés. Alors, la crise n'est donc pas tant une réalité indépendante qu'une reconstruction par différents acteurs, les scientifiques, les politiques, les médias, les citoyens, qui en définissent les frontières avec le cours normal des choses. De même, la désignation des acteurs clés, qu'on appelle parfois les boucs émissaires, des responsables, qui ne se disent pas coupables, est le résultat d'un procès d'attribution de responsabilité. Donc, quand on analyse, nous, avec nos outils un petit peu SDS, ces choses-là, on fait bien attention à ça. C'est-à-dire de ne pas parler de responsable, de ne pas parler de bouc émissaire, de ne pas parler de... etc. Parce que c'est un procès d'attribution. Donc on regarde ce que font chaque acteur. On ne dit pas nous-mêmes responsables. Donc ce processus implique tous les analyseurs de la crise. En premier lieu, les experts qui vont dire ce qui s'est passé. Donc c'est là que je voudrais parler un peu d'expertise. Problème, parce que le premier problème, c'est que ce sont souvent les mêmes experts qui ont conseillé les acteurs en question. On renforce la. Donc on voit qu'on est en pleine crise de l'expertise. Alors, le régime de l'expertise, j'écrivais, est aujourd'hui largement discrédité pour trois raisons. D'abord, parce que l'expert est censé être celui qui sait. Or, la connaissance des systèmes complexes, ou même simplement compliqués, avec le mot complexe, je vais avoir une définition très précise mathématiquement, non-linéarité, etc. Et, ou une définition plus simple que ce qui est complexe et ce qui n'est pas simple. Donc on peut se balader dans toute la largeur du spectre. C'est une connaissance partagée en réseau, dialectique, collective. C'est ça qui est important. Donc les gros systèmes comme le système économique, le système financier, le système économico-financier, si on pense qu'il fait qu'un, le système du climat, celui des équilibres écologiques, n'ont ni gouvernance unique, ni expert omniprésent. Et omnicompétent, surtout. Ensuite, l'indépendance de l'expert nécessaire à l'émergence d'une juste évaluation n'est jamais acquise. Elle est même parfois contradictoire avec le premier point, à savoir qu'un expert est dans le système. Alors là, on a tous. C'est le fameux problème. S'il n'est pas dans le système, l'expert, il est nul, il ne connaît rien, et s'il est dans le système, il est mouillé jusqu'au cou, et il n'a plus de recul et d'objectivation possible. Par exemple, qui écrit dans la presse aujourd'hui, donc j'écrivais en 2009, sur la crise, essentiellement les banquiers, les responsables de fonds, les économistes. Qui ont été mouillés dans différentes évaluations. L'expert part toujours de quelque part, il faut donc organiser des confrontations d'experts. Donc ça, on voit toute la complexité de cette notion d'expertise aujourd'hui. Deuxième problème, il y a ce problème-là qui est un problème d'éthique, si vous voulez. Ce que j'ai soulevé, c'est un problème d'éthique, comment situer l'expert pour qu'on remplisse des fonctions éthiques. Deuxième problème, le modèle linéaire de l'expertise. Alors ça, c'est important, j'en reparlerai dans le climat parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on appelle le modèle linéaire de l'expertise? C'est le modèle, en gros, qui considère que les scientifiques inventent, les gestionnaires ou des ingénieurs mettent en place, une crise surgit, des experts se prononcent, et les politiques agissent. Autrement dit, on a une linéarité entre l'évaluation scientifique, l'expertise scientifique, et la décision politique qui consiste à dire qu'il faut faire quelque chose. Alors ce schéma linéaire, il rend plus du tout compte des crises actuelles, c'est-à-dire si vous reprenez toutes les descriptions en sociologie des sciences, en histoire des sciences, des crises autour du risque actuellement, de la vache folle, du sang contaminé, de la crise financière, etc., si vous les prenez une par une, vous apercevez chaque fois que ça n'a absolument pas marché comme ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche même presque à l'envers. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont mises à l'agenda, c'est-à-dire que ça arrive sur le plan politique d'abord. Si ce n'est pas mis à l'agenda, mais personne n'en discute, même pour les scientifiques, y a pas, enfin, ils font leur petit truc dans leur coin, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'expertise, on ne les convoque pas, etc. Donc très souvent, on marche un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut marcher à l'envers, et il y a toutes sortes d'intermédiaires possibles, à savoir qu'une chose est mise à l'agenda parce qu'y a des acteurs qui vont faire ce boulot-là, hein, voilà, mettre à l'agenda de la vie politique donc, et des médias. D'où le rôle des médias, effectivement, qui, quoi qu'ils disent toutes les conneries qu'ils veulent, ils ont quand même un rôle extrêmement important pour lancer des controverses. Hein. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne pouvez plus vous... Alors, je dois le dire un peu plus loin. Oui. En gros, je le dis dans mon introduction, mais je peux en parler maintenant, ça, je n'ai pas dû le mettre dans ce texte-là, cette idée-là. Il y a en gros, pour moi, trois périodes dans l'histoire de l'expertise. La première période... L'expertise, c'est les rapports sciences politiques. Hein, pour faire. Bon, il y a trois zones historiques, trois périodes historiques différentes selon moi. La première période, c'est celle qui, par exemple, était au 19e et qui a mordu encore sur le début du 20e, consistant à dire, c'est un discours des scientifiques, mais c'est aussi un discours des politiques, chacun chez soi. C'est-à-dire, le scientifique fonde la science, il ne faut pas que les politiques viennent troubler le travail de pure découverte formelle que font les scientifiques sur leurs concepts. Donc c'est un modèle de la contraire de la contamination, c'est-à-dire que l'étanchéité, vous voyez, les savants sont dans leur bulle, les politiques peuvent leur donner du fric, mais il faut même pas qu'ils donnent du fric en fonction des programmes, parce que ça dirigerait la recherche, alors que la recherche doit se diriger selon ses propres valeurs, etc. C'est les Merton, tout ça. Vous trouverez ça dans les premiers sociologues des sciences, ils vont vous raconter ça, que la science est caractérisée par ces valeurs-là. Et effectivement, vous prenez tous les discours des scientifiques et des politiques au 19e, c'est toujours ça, indépendance de la science et de la politique. Il me semble que ça bascule après la guerre de 14-18. C'est-à-dire que, et en particulier aux États-Unis, où ça vient assez vite, et c'est la naissance de ce qu'on a, c'est l'idée inverse, c'est-à-dire que les bonnes décisions politiques ne peuvent être prises que si elles sont informées par un travail d'expertise scientifique. Donc, c'est la naissance de... C'est X-Crise, c'est, etc. C'est le débat là-dessus. Il y a un mot que je cherche et qui me vient plus. Mais technocrate. Voilà, la technocratie. Hein. Donc, c'est l'invention de la technocratie. Vous pouvez en faire l'historique. C'est né aux États-Unis dans les années 14-18, par là. Hein. Cette idée de technocratie, et elle est totalement, au moment de la crise de 29, elle est multipliée. C'est-à-dire qu'on recourt, on cherche des recours à la science. Par exemple, l'économétrie va se déclarer telle, c'est-à-dire on n'a plus honte de dire qu'on fait de la science pour répondre à des questions posées par le politique, et vice-versa, les politiques n'ont plus honte de dire, avant de prendre nos décisions, on va quand même les consulter. Mais on est dans un modèle assez linéaire, c'est-à-dire que les scientifiques ne veulent pas se faire imposer quand même des programmes de recherche. Et là, on reste dans ce principe-là. Ils veulent bien répondre avec leur expertise, alors avec toutes les difficultés qu'on a connues. Hein, un des moments clés de l'expertise, du lien science politique et de l'expertise, c'est par exemple l'affaire de Bordereau dans l'affaire de 1890. Pardon. Dreyfus. Dreyfus, merci. Hein, voilà. Donc ça, c'est très joli. Une très jolie histoire dans laquelle il y a plusieurs expertises, il n'y en a pas qu'une seule, mais entre autres celle de Bertillon sur son expertise graphologique, voilà, qui est une très belle histoire à raconter. Donc, il me semble alors que cette chose-là va durer de manière assez importante jusqu'aux années 60-70, ouais, donc de 1920, on va dire, aux années 1970. Toute cette phase où, de la technocratie, toute cette phase dans laquelle les scientifiques vont accepter ce rôle, d'accord, à condition qu'on les laisse quand même travailler un petit peu en paix, mais ils sont prêts à venir quand ils sont convoqués en disant moi sur les bases de ma science, mais il ne faudrait pas qu'on leur dise maintenant tu vas travailler comme ça, pensez qu'en Canada ils n'aiment pas trop ça. Et on a, qui me semble à partir des années 70, un programme assez différent, une notion d'expertise assez différente, qui est une idée dans laquelle il y a une co-construction par les politiques et les scientifiques du problème et de sa résolution, c'est-à-dire où on passe de l'expertise linéaire à son inversion, voire la construction, c'est-à-dire que le problème est d'emblée politique. Il a, par exemple, voilà, la vache folle, il faut savoir ce qu'elle bouffe, les vaches, hein, il faut savoir quelle est la chaîne, il faut retrouver toute la traçabilité, il faut savoir, etc. Et le problème est posé par les instances politiques, pas au sens de l'État avec un grand E, hein, mais des agences, l'État qui met en place des agences, les acteurs qui sont les agriculteurs, toute la chaîne alimentaire autour de la vache, etc. Et cette construction-là n'a plus du tout la même nature, puisque, si vous voulez, on va créer des programmes de recherche pour répondre à cette question. Le changement climatique en est un exemple parfait. C'est-à-dire que c'est à partir d'une négociation sur le changement climatique porté par l'ONU, qu'on va créer des organismes d'expertise comme le GIEC et qu'on va rassembler des travaux scientifiques pour répondre à ça. Ce qui ne fait pas plaisir, on reviendra, si j'ai le temps d'en parler, du climat tout à l'heure, un tout petit peu plus court que ce que j'ai fait là. Si évidemment, ce qui est problématique, c'est une bonne partie des débats actuels autour des sciences qui sont incompréhensibles, qui font engueulade, c'est tout simplement que les gens n'ont pas la même idée de ce qu'est l'expertise. Il y en a qui sont encore accrochés au premier modèle, que j'ai eu l'air de dire qu'il y a un modèle, puis un autre. Non, ben bon, ils se chevauchent. Hein, bon. Et en particulier, il y a des gens qui sont encore attachés au tout premier modèle. On a des collègues, nous, qui considèrent la science comme une science pure et qu'il n'y a pas question de répondre à des questions politiques, etc. Il y a dans l'économie, en économie, ce débat-là n'a jamais cessé. Hein. Donc ça se chevauche, mais on a actuellement des gens qui disent, par exemple, sur le changement climatique, mais le travail du GIEC est un mauvais travail scientifique, puisqu'il répond à des questions politiques posées par les négociateurs de la lutte contre le changement climatique. Voilà, alors, dernier aspect, puis j'ai fini. Hein. Dernier aspect. Voilà, oui, j'ai parlé longtemps. J'ai parlé de la nuit. Bon, c'est pas grave. Je dirais moins de généralité. Hein. Je dirais moins de généralité, on va discuter après. Le dernier point, c'est que je souligne, mais que tout le monde souligne, c'est que le troisième aspect de la crise de l'expertise, hein, j'en ai donné trois, le premier qui est un aspect qu'on ne peut pas être expert et partie prenante, le deuxième qui est cette histoire de trois modèles de l'expertise, et la troisième chose que je développais, mais j'ai développé ça aussi dans ma préface, donc on pourra ne pas y revenir, c'est la confrontation de l'expert qui sait et du citoyen qui ne sait rien. Alors on sait que ce modèle-là, aussi, il est dépassé, c'est-à-dire que dans toutes les crises qu'on a eues actuellement depuis les années 70, crise alimentaire, crise sanitaire, crise écologique, hein, je pense que c'est de ça que je parle, des crises qu'on a depuis les années 70 et qui font phénomène de société, et bien dans ces crises-là, au fond, le citoyen n'admet plus qu'il y ait des experts qui savent, et les citoyens qui savent pas, quoi. C'est-à-dire, alors on a des retournements complets, puisqu'on a des cas, le cas du sida est exemplaire là-dessus, pour lequel les usagers, les non-experts, ont largement pris la place des scientifiques qui n'assumaient pas ce qu'ils avaient à faire. Donc, on est actuellement sur une idée de déficit démocratique de l'expertise au sens ancien et de son renouvellement. Par quoi ? Ben, évidemment, là, c'est en plein débat. La question des forums hybrides de Calon-Lascoum, par exemple, est peut-être une solution, peut-être pas. Les forums citoyens de Ségolène, etc., etc. Mais il est clair en tout cas que sur les différentes crises dont je parle là, on ne s'en sortira pas si on dépasse, si on ne reconstruit pas une notion démocratique de l'expertise. Ça me paraît absolument clair. Voilà. Bon, que faire demain, laisse tomber. Tant pis, je ne suis pas le ministre aujourd'hui. Que faire ? On laisse tomber. Bon, excusez-moi d'avoir été long. Partant de cette petite enquête sur la finance, j'ai essayé d'exposer quelques-unes de mes idées sur la notion, vous voyez, de modèle et sur la notion d'expertise. On peut peut-être débattre déjà de ça. Je voudrais poser une question dessus. Oui. Dans tout ce que vous avez dit, les modèles, etc., je trouve que ça aurait été très bien si on s'était intéressé, par exemple, à des martingales et des casinos. La question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que ce que vous avez dit, qui est sur des actifs réels, des entreprises, etc., on utilise exactement le même processus que si on utilisait des martingales au casino, où bien sûr l'objectif est d'optimiser le profit pour moi. Et alors j'ai l'impression un peu, là, tout ce système, ça a été pris par des mathématiciens qui ont été des gens pour dire, voilà, il y a des actifs, il y a une économie. L'important, c'est que moi, je vais essayer d'optimiser pour moi tout ce profit, et je vais faire des martingales, etc. C'est pas pour moi, le type, il est salarié. Hein, comment ? Il est salarié. C'est pas pour lui. Comme vous l'avez dit, vraiment, avec des bons salaires, bien sûr. Comment ? Il est embauché avec des bons salaires, mais il est embauché. Le salarié, c'est pas lui qui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression d'être dans un système où c'est vraiment. On étudie l'économie. Comme si c'était, donc je reprends les machins de bazar, des martingales pour le casino, mais on ne regarde pas derrière ce qu'il y a. Et par exemple, effectivement, on voit en bourse, on étudie une entreprise par ses graphiques, le graphique des machins, et on dit les tendances. Mais est-ce que l'entreprise va faire des produits innovants ? C'est vraiment marginal. Est-ce que les bien élevés, c'est marginal ? Ce qui compte, c'est les graphiques en bourse. C'est là, je ne suis pas un financier. Je suis, on a l'air de suivre un peu l'économie, mais c'est l'impression que j'en ai, et je me demande si ce n'est pas ça qui fait qu'on est tombé complètement sur la tête, d'autant plus qu'on se rend compte que tous les modèles, alors comme vous l'avez dit, les modèles, ils ont montré forcément leur faillite, puisque à chaque fois, on croit qu'on a trouvé le modèle génial, mais à chaque fois, on est en train de retomber dans une nouvelle crise, en train d'en faire une. Actuellement, les États-Unis sont en train d'en repréparer une, avec la planche à billets qui marche, un peu plus arrêtée. On dit, oui, il ne faut surtout pas arrêter, puis ça arrêtera, le jour où ça retombera. Donc, voilà le... Bon, je réponds, mais peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions, puis je réponds à plusieurs à la fois, sinon ça serait long. Hein, ce qui m'a... Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais qui me gêne, c'est, d'ailleurs, quand tu vas passer de la finance au climat, c'est il y a une sorte de naturalisation de l'économie. Tout est conditionné. Quand je m'en garde, mais vas-y, continue. Non, mais parce que, en fait, ça veut dire, quand tu dis, c'est la base même, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que ça peut être une ingénierie. Parce qu'à partir du moment où on dit la science économique, c'est comme une science de la nature, l'économie, c'est un processus naturel, on fait totalement abstraction des relations sociales qui sont au fondement de l'économie, et que fait la finance? Elle observe des distributions de prix sans se soucier du sens de ces prix, et, etc. Et elle dit à partir de là, alors ça rejoint un peu votre critique, ça veut dire à partir de là, on peut alors par les mathématiques modélisées, arriver à gagner de l'argent avec ce qui se passe. Parce qu'après, les produits dérivés, bien sûr, on va construire des formules, il y avait ce problème de la performativité, mais là, c'est la créativité du financier qui s'exprime. Mais en amont, il y a quand même ces actifs qui renvoient à des processus de production. Et donc, et là où on n'est pas dans le domaine de la nature, comme pour le climat, etc., c'est des hommes, il y a de l'intentionnalité. Peut-être qu'ils font du jeu de l'intentionnalité. Mais moi, je suis toujours frappé quand j'entends à la radio, t'entends, on va passer à la bourse et puis à la météo. Ouais. Comme si l'économie relevait de quelque chose qui relève des mouvements non contrôlables par la personne humaine. Et donc, pour ça, la critique de la technocratie, pourquoi revient le principe de précaution? Le principe de précaution, ça veut dire, c'est récuser la problématique du risque. Il faut s'interroger ce que ça veut dire, le risque. À partir du moment où on a construit le risque, alors toute l'ingénierie se justifie. Mais quel sens ça a, le risque? En économie, bien pour le welfare de l'humanité, pour la production, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il me semblait que ça veut dire qu'on introduit encore une problématique de la nature à l'intérieur d'une science sociale, en fait. Et qu'on cherche à la... Et par là, on peut la modéliser sur une base probabiliste. Je vais répondre. J'en prends peut-être un troisième et puis je réponds. Moi, je voulais aller juste un peu plus loin en disant c'est pas l'économie, c'est cette économie-là qui est représentée comme étant naturelle. Donc, l'économie telle qu'on vous la raconte, telle qu'on vous la présente, cette économie financiarisée, machin, elle est aussi naturelle que le climat et donc, enfin, que le temps qu'il fait. Donc, on va la planter dans la foulée. Et alors, moi, ça me fait déboucher sur une question parce que on parle de performation, de performativité, et on ne parle jamais d'idéologie. Or, en fait, dans le système, à un moment quelconque, qu'on dit comment est-il possible qu'entre Mandelbrot et Sharpe, ce soit Sharpe qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui gagne indéfiniment, et que ce soit jamais... Bon. Et donc, c'est à ce moment-là, on arrive à une notion, enfin, pour moi, qui suis un praticien du truc dedans depuis 35 ans, c'est qu'il y a forcément une dimension idéologique, c'est qu'il est au sens de, on veut aboutir à une représentation partagée d'un système dans lequel ceux qui en fait en sont les acteurs, à leur détriment, y adhèrent. Voilà. Et toute cette représentation financière et économique totalement imbriquée, mélangée, elle a une vocation idéologique qui me paraît évidente. Donc après, vous êtes sociologue, il faut être des historiens, il faut reprendre... Comment Brodel raconterait ça s'il était encore vivant à l'époque de la mondialisation, enfin l'économie monde mondialisée sans barrières géographiques, etc. Comment on représenterait ça? Mais c'est absolument pas. Enfin, il faut aller, à mon avis, jusqu'à ce point-là pour vider le sujet, enfin pour l'attaquer complètement. Alors, je réponds aux trois, peut-être en. Tu es d'accord, je fais comme ça? Oui, très bien. Parce que c'est toi le meneur de jeu, là, maintenant. Bon, alors. D'abord, ce que vous dites, vous le dites de ce que j'ai dit ou vous le dites de ce que vous pensez de la crise? Il y a un problème dans le statut de ce discours. Est-ce que j'aurais dit, moi, tout ce que j'aurais dit allait dans le sens de la naturalisation de l'économie ou c'est l'autre qui le dit? Je demande de faire attention. Je ne crois pas que j'ai cette tendance-là. J'ai au contraire. Est-ce que ce que j'ai dit, c'était que l'ensemble du système financier est un grand casino, bazar, foutoir, etc.? Ou est-ce que, je ne l'ai pas dit exactement comme ça, Est-ce que, je n'ai pas parlé d'idéologie, je parle d'ensemble d'idées, j'en ai parlé plusieurs fois. Moi, pour moi, une idéologie, c'est plus, je ne lui donne plus tout à fait le sens marxiste que je lui donnais dans ma jeunesse, hein, mais bon, c'est tout simplement un ensemble d'idées qui accompagne des rapports de force vraiment existants, et dans lequel il y a des dominés, des dominants, hein, ouais, clair. Bon, quand j'ai raconté comment, quand j'ai voulu vous raconter la crise financière en remontant à la transition vers le capitalisme d'antan de notre jeunesse et du capitalisme financier, il me semble que là, je réponds à ta question, c'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est ce capitalisme financier plus l'ensemble des idées qui vont autour, à savoir que le marché, cette phrase-là, j'ai bien voulu la prononcer quatre fois, que le marché tout seul est capable de réguler ce que justement la crise de 2007-2008 a montré que ce n'était pas vrai. Donc on a bien effectivement des phénomènes idéologiques derrière tout ce que j'ai raconté, les accompagnant, les prévenant ou les suivants, bon, les accompagnant, et ça c'est clair, c'est, je veux dire, là on doit être clair, qu'est-ce qui s'est passé dans les, au moment où j'écrivais même l'article, dans les journaux vous avez vu fleurir hein, d'anciens néolibéraux qui faisaient mea culpa, et des journalistes qui disaient c'est une vraie révolution qui est en train de se passer, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire qu'on va quitter le schéma néolibéral, etc. Donc je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de. Qu'il y a des paquets d'idéologies, donc d'ensemble d'idées, dont la plus importante est celle qui agite sans arrêt l'économie, à savoir est-ce qu'il faut la diriger, la réguler, ou la laisser aller toute seule et tout ira bien. Hein. Moi, j'ai assisté au débat il y a deux jours de notre ami Salin. Je ne sais pas si vous avez regardé ça chez. Sur les plateaux de télé, là, du l'âge de la 3 de. Ah, c'est. Calvi non, pas Calvi, sur la 3, c'est le vôtre. Bon, enfin, peu importe. Mathieu Taddeï. Il était en face de Piketty et de. Et de. De notre. Du NPA, là. Besançon. Ah, voilà, alors, vous voyez, bon, ça, donc qu'il n'y ait pas d'idéologie là-dedans, ça circule à toute vitesse sur le plateau, c'est clair. Hein. Il avait choisi Taddeï de construire son plateau, pas avec des gens moyens, hein. Il avait pris, tchac, tchac. Et puis il n'était pas tout seul, ça, hein. Il était accompagné d'une manette qui devait piquer des hannetons aussi. Alors, non, c'est vraiment. Donc je suis d'accord, voilà. Mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai essayé quand même de dire que je crois qu'on ne peut pas rendre compte du système financier si on ne replonge pas dans les différentes dimensions que j'ai données, et dans ces dimensions, il y a la dimension idéologique, c'est clair. Alors, le casino, oui, moi je pense comme vous que c'est un casino, c'est un bordel, d'accord, hein, bon. Mais attendez, il faut réhabiliter le casino, les gens qui gagnent beaucoup de pognon, c'est au casino qu'ils le gagnent, c'est pas en poussant une brouette, hein, bon, voilà. Donc on vit dans une société dans laquelle le casino est important. Alors, le problème, c'est qu'au départ, on ne nous le présente pas comme ça. Alors, on ne nous l'a jamais présenté comme ça, mais d'accord. On nous a présenté le fait que les marchés financiers étaient nécessaires pour financer les entreprises. Bon, voilà, et on a tous appris ça à l'école, puis on se démerde avec ça après. Hein, voilà. Moi, j'ai appris ça aussi, bon, voilà. Donc, on s'est dit, ah ben, ça sert à ça, sinon, on voyait, on croit. Moi, j'ai cru au début aussi, quand j'avais 15 ans, puis j'ai appris ce qu'était la bourse, que c'était un jeu, quoi. Hein. Il y a beaucoup de gamins, vous leur demandez, ils pensent que c'est un jeu aussi. Hein, ça, ah bon, ce jeu. Maintenant, on ne sait même plus que ça devrait normalement servir à financer les entreprises qui ont besoin de finances, puisqu'on sait qu'une entreprise, ça marche quand même un peu avec des gens et un peu avec des sous. Quoi, hein. Bon. Donc là, sur le casino, oui, je suis d'accord, ça ressemble à ça, que c'est principalement ça, mais que c'est une dérive fantastique de ce qu'était le capitalisme de la première forme. Alors moi, je n'étais déjà pas satisfait avec la forme du capitalisme, mais avec celle qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que là, on a atteint le pompon, quoi. Donc, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Bruno, naturalisation de l'économie. Je suis... là, je pense que ce que tu... Tu démontres d'une certaine façon, oui, très bien, que oui, les économistes, oui, niveau classique, oui, et la partie financière de l'économie niveau classique, qui est spécifique, oui, quand même, oui, considèrent que l'économie elle relève des sciences de la nature, et ils ont le même modèle. Et l'ambiguïté de Calon, de la reproche à la Calon, c'est d'entretenir. Ils ne sont pas très clairs sur leur façon. Est-ce qu'une autre économie, une autre science économique, qui serait compréhensible? Je crois que c'est vraiment la nature qu'on travaillait comme ingénieur, tu rigoles, quoi. On n'a jamais travaillé la nature. Mais pourquoi tu identifies ingénierie à nature, à naturalisation? Moi, j'ai travaillé sur la naturalisation de l'économie. Je vais te dire ce que j'entends par là. Tu me diras si on entend la même chose. J'ai par exemple étudié le bouquin de l'IS 1901, Fondement du travail. 1901, c'est pas toi, c'est pas d'hier. Il est pourquoi je m'intéressais à l'IS, c'est un prof de fac, des profs d'économie au CNAM, qui a écrit 2-3 bouquins. Et c'était un statisticien aussi, un économiste. Bon, il écrit ce bouquin. Et je trouve dans ce bouquin toute une argumentation qui est très très intéressante, qui essaye de reconstruire l'ensemble des rapports sociaux sur la base de rapports naturels, physiques. Il y a des gens plus aptes que d'autres, tu vois, c'est ça que j'appelle une naturalisation. C'est-à-dire, très concrètement, il essaye de brancher toute l'économie sur Galton. Voilà, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des inégalités qui subissent. Voilà, normal, tiens, encore elle arrive, là, l'attaque, crac, boum. Il y a des tarés, il y a des surdoués, et puis entre les deux, il y a un magma dont nous sommes, faisons partie, sans doute. Et cette courbe-là justifie le fait qu'il y ait des différences de salaire. Et justifie le fait que le travail n'a pas la même qualité, et donc qu'il y aura un ordre social, etc., etc., etc. Donc là, il y a quand même 600 pages là-dessus, tu vois, un exposé, je ne sais plus où, sur ce machin. Moi, c'est ça que je concevrais, que je conçois comme étant une naturalisation de l'économie. D'accord. C'est-à-dire de dire que les rapports sociaux sont fondés sur les inégalités naturelles des hommes. Okay. Là, c'est pas. Et qu'il n'y a même pas à étudier. Oui. Donc, là, dans la nouvelle technologie, l'ingénierie. Non, je veux dire, c'est à partir du moment, c'est introduit la question éthique. Oui. Parce qu'il y a une entourloupe. Il y a quelquefois une entourloupe, parce que le cas de Mandelbrot, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas modéliser, on ne peut pas faire des produits, on ne peut pas construire. C'est beaucoup plus difficile de construire une industrie financière avec du Pareto-Lévy qu'avec du Gauss. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que si on mettait des forces, on y arrive. Mais là, c'est une autre discussion. Mais tu vois un peu l'idée. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'économiste universitaire, il est tout à fait légitime à s'enrichir à partir de son activité scientifique. Et ça introduit une conception de la science sociale qui permet en même temps aux scientifiques de se légitimer, de légitimer leur savoir par un gain, soit financier, soit économique. Et qu'est-ce que tu observes du côté de la macroéconomie ? Quel est le fromage ? C'est les banques centrales, les institutions monétaires internationales. Ils disent le modèle, tout ça, c'est... Parce qu'en fait, ils justifient le fait, comme tu l'as bien cité tout à l'heure, le fait que normalement, les économies ne devraient pas exister. Mm-hmm. Puisque tout est à l'équilibre, les marchés sont déficients, pourquoi il y a des... Mais c'est parce qu'il y a des frictions, bien partout, sûr. Partout, il faut houblonner, bien sûr, c'est parce qu'il y a des rigidités quelque part, et eux, comme il n'y a pas l'arbitrage en macroéconomie, eh ben, on va introduire des macroéconomistes nouveaux keynésiens qui ont besoin quand même de conseiller une règle à la banque centrale, et voilà, et ils peuplent les banques centrales. Pour la finance, c'est ce que tu observes depuis cette révolution financière, depuis les années 70, c'est qu'ils sont tous des boîtes, ils sont tous intervenants, il suffit de chercher pour trouver. Ils ont eux-mêmes des praticiens de la finance, ils s'enrichissent. Donc c'est un statut, c'est un problème d'où là. Et ils sont légitimes aux États-Unis, ça paraît tout à fait normal. Parce que l'économie, enfin, telle qu'ils la définissent, est une économie, fait partie de l'état de la nature, comme tu l'as dit pour le cas, et que donc il est tout à fait normal qu'un savant puisse s'enrichir avec ses découvertes objectives de l'équipe. C'est à la même manière que dans les autres disciplines, on essaie de comprendre les lois de la nature, pour les exploiter, pour produire une richesse supplémentaire. Donc c'est un peu ça, tu vois. Mais je finis à peu près. Enfin, je finis de répondre et je prends d'autres questions juste après. Je ne suis pas à l'aise avec ton truc parce que je suis d'accord qu'il y a des. Voilà. Mais ça voudrait dire que tu résumes l'ensemble des rapports, parce que de ce que j'appelle l'ingénierie, à un rapport vénal consistant à s'enrichir eux-mêmes directement sur. Alors, on sait bien que oui, moi. J'ai fait partie des gens qui disaient que les cadres, ils sont au service du patronat et ils les aident à s'enrichir. Oui, ça, c'est... Tout cadre dans la fonction sociale, quand tu es un tantinet marxiste, tu as appris ça. Hein, voilà. C'est bien ce qu'on disait dans les années 70. Bon. C'est une extrapolation de légitimité. On est dans ce cadre-là, oui. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de faire le procès Enfin, quand je parle d'ingénierie, c'est que j'ai en vue deux choses, c'est de décortiquer cette chose-là, comment elle bosse. Et donc ça, c'est un des éléments. Okay. Je veux décortiquer ça, et je ne veux plus qu'on m'emmerde avec les distingués économistes, d'accord, les académiques. Parce que c'est de la poudre aux yeux, ça. Toi, derrière l'idée d'ingénierie, je veux dire, il n'y a pas de science pure, il n'y a pas de science sortie de ces contingences. Donc tout ce que tu racontes va dans mon sens, oui. Les économistes ont les mains dans le cambouis et dans la merde. Ah, ok ? Donc je suis d'accord avec cette phrase-là, avec ce genre de phrase-là. Mais ensuite, ce qui m'intéresse, c'est pas de le dénoncer puis de rentrer chez moi tranquille, de me dire j'ai fait mon boulot, j'ai dénoncé les économistes, ils ont les mains pleines de cambouis et de merde. Ce qui m'intéresse, c'est de démonter ces mécanismes pour justement voir précisément à quel endroit ça joue. Tu vois, si je fais, c'est notre travail de chercheur, tu fais la même chose, toi, il me semble. Donc, il faut aller plus loin, ça suffit par la fois que tu as dit ça. Non, mais il y a un renversement de la légitimité ici. Quand tu vois, parce que c'est un champ de lutte économique. La science économique, c'est pas. Il n'y a pas des économistes, et puis c'est un champ de lutte très fort. Oui. Bon. Et les dominants dans ce champ utilisent la légitimité de la science pour, d'un côté, donc, s'enrichir. C'est-à-dire, ils sont interférence de rôle. Je suis à la fois dans la science et dans la pratique, qu'elle soit économique, et dans le conseil, dans l'expertise. Mais inversement, ils utilisent la légitimité économique ou politique pour dire, regardez, c'est scientifique. Mais, donc c'est bien exprimé dans les papiers des Rosières sur la double légitimité. Tout à fait. Outil de preuve, les modèles, outil de preuve, outil de gouvernement. C'est ça qui est, d'après lui. Ils disent la stat, outil de preuve, outil de gouvernement. Moi, je dis la modélisation, outil de preuve, outil de gouvernement. D'accord ? Légitimité scientifique, légitimité politique. Bon. Mais après, si tu n'avais que de la légitimité scientifique, mais ça serait le bordel. Tu fais comment de la politique sans outils, sans rien? Donc moi, je ne dévalorise pas le fait que ces gens soient des gens de pouvoir et soient dans le fossé. La différenciation des rôles, c'est tout. Non, mais outre que ça a été à peu près toujours le cas. Il ne faut pas qu'on dialogue. On tourne. Madame. Et à ta gauche. J'avais quand même une question sur la notion de modèle. Oui. Parce qu'on se rend compte que partout, dans la nature ou partout, ce qui est très important, ça se produit par des ruptures. Alors on se rend compte que la plupart du temps, les modèles n'arrivent pas à prévoir des ruptures. Ou tout au moins, peut-être la prévoient, mais ça ne veut pas dire quand elle va arriver. Un exemple flagrant, hein, tout le monde sait que la Californie va se couper du reste des États-Unis. Mais on continue à construire en Californie parce que comme on ne sait pas quand ça va se produire, et le jour où il y aura le tremblement de terre, on dira quel drame on aurait dû arrêter. Et dans l'économie, j'ai travaillé dans une grande entreprise, manifestement, la manière de faire les prévisions, c'était plutôt à la règle, on tirait en général des lignes droites ou un petit peu. Enfin, on faisait en général des choses comme ça. Et quand il y avait la rupture qui arrivait, ben, tout le monde était complètement. Alors, les modèles, ça permet ben, de payer les gens qui les produisent, très bien, tant mieux pour eux, mais. Et ça me paraît parfois un petit peu gênant parce que ça ne prévoit pas la rupture qui est ça l'important. Oui, ça fait un peu suite finalement à cette intervention. Moi je voulais revenir sur cette question de la nature. Il me semble qu'elle ressurgit sans qu'on s'en aperçoive dans des postures qui consistent considérer qu'on a affaire à des phénomènes qu'on peut, même avec des modèles compliqués, processus intelligents, modéliser, et que donc on pourrait que le problème est la question de la prévision. Mais non, la question n'est même pas de prédire des discontinuités ou des ruptures, c'est là qu'on retrouve le politique, c'est qu'on a affaire à de l'aléatoire qui ne relève pas de ces modélisations qui permettraient des prévisions. Et que donc, on serait plus dans ce que proposait Dewey dans les années 20, c'est-à-dire du politique expérimental et donc de la concertation, de la décision politique. Parce que cette critique que fait Bruno de dire on évacue le politique parce qu'on parle de la nature. Moi, je ne suivrais pas tout à fait ça, parce que la nature dont on parle, c'est les changements climatiques, c'est la physique. Mais si on se réfère aux contraintes de modélisation que connaissent les biologistes, on retrouve la difficulté ou l'impossibilité de faire appel à des modèles probabilistes aussi, aussi prudents sont-ils pour prendre en compte les sauts et les ruptures. C'est quand même chez les biologistes qu'on voit émerger ce concept de ticastique qui semble assez compliqué. À mon avis, il faudrait faire venir comment ça s'appelle, ticastique avec ticastique, etc. Qui donc est plus sauvage que la stochastique. Mais, et donc, la question n'est plus de la prévision. Moi, pour moi, c'est encore très enfermé dans un concept de nature très général, beaucoup plus général que celui que tu as pris en disant on a des données physiques et ça détermine le comportement. Hein. C'est le fait de penser que, que le discours à produire, c'est un discours de modélisation, de prévision. Là, on a encore une croyance dans quelque chose qui relève de la nature et une nature beaucoup, particulière qui ne prend pas en compte le biologique. Et donc, a fortiori, le changement de climat. Mais là, tu as un niveau de généralité où on a quitté le domaine de la finance. La biologie, je n'ai pas beaucoup parlé, mais je peux en parler quand même. Hein, mais je veux dire, on est sorti du. Je n'ai pas parlé biologie du tout, effectivement. C'est, mais non, mais c'est moi qui ai introduit la. Alors, bien sûr. Mais c'est par rapport à la question de la nature. Mais je ne comprends pas cette question-là, parce que je vais en parler de la nature. Je vais en parler pour dire que, justement, je voudrais bien que vous m'expliquiez, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, où est-ce qu'il reste quelque chose qu'on peut appeler la nature. Bon. Donc, là, non, mais je vais en discuter sur mon deuxième sujet, parce que ça va être extrêmement important, ça. Hein. Bon. Deuxièmement, sur la prévision. Je réponds, excuse-moi, tu voulais... Oui, tu voulais aussi que ça allait un peu dans le sens des deux... Fais-le. Moi, ce qui me paraît intéressant dans ce que tu présentes, c'est la notion de filière scientifique industrielle du risque. Voilà. Autrement dit, la finance définit comme une filière scientifique industrielle du risque. Autrement dit, qu'est-ce qui performe finalement? C'est l'image que l'on a, la vision qu'on a du risque, l'orientation du risque, l'orientation en fait. Et du coup, ça pose la question effectivement du phénomène que l'on veut aborder, puisque le risque, c'est bien ce qui est relié à ce qui est incertain et qui va être après probabilisé. Donc quel type de phénomène naturel? Et là on aura à la fois la question des ruptures et la question de la modélisation. Donc ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est ça, c'est à apprécier la finance à partir de cette idée de filière scientifique industrielle du risque au fond. Et donc voir que le vrai enjeu dans ces questions qui sont posées par la crise, du point de vue de l'éthique, c'est les choix qui sont faits de modèles de risque. Parce que si on considère qu'une minorité a gagné beaucoup d'argent payé par la dette de tous les autres, finalement, puisque les États ont renfloué les banques, on pourrait dire que le choix de modèle de risque qui ont minimisé les queues de distribution après, est-ce que nous l'ont voulu, a fait que l'écart entre ce modèle de risque-là et le phénomène naturel qui était celui qui s'est passé, a été au fond comblé par les États qui se sont endettés. Donc ceux qui ont agi avec ces modèles de risque avec une distribution fine ont gagné beaucoup d'argent, parce qu'après ils sont partis. Et en revanche, l'écart entre les distributions fines et les distributions moins fines a été payé par tous les autres, tout le monde, vous, moi, nos impôts. Donc là, on voit qu'un choix de modèle de risque, c'est en fait un choix éthique. C'est ça que je trouve intéressant dans l'approche par la filière industrielle du risque. Ça, c'est parce que tu es à la tête de la chair. Éthique et risque que tu as dit. Mais non, je vois ce que tu veux dire. L'idée de payer des risques aux autres. Oui, voilà, il y a un peu de ça, sauf que. De prendre des risques aux autres. Les autres, ça fait beaucoup de monde. C'est beaucoup de gens qui se les ont pris. Pas seulement l'écart de tes deux queues, la grosse et la petite, hein, parce que c'est quand même toute la machine qui s'est déstabilisée, de l'emploi, du logement, etc. T'as pas que dans le domaine purement de la circulation purement financière, où tu as des compensations qui sont produites. C'est vrai que l'argent est passé de poche de certaines poches à d'autres. Oui, ça s'est passé de ceux qui gagnaient beaucoup d'argent avec les banques à ceux qui payaient les dettes globales, donc les États, donc les contribuables, en fait. Mais on a pu prendre des risques aux autres. On a pu ne prendre là que les États, quand ils ont renfloué les banques, premièrement, il y a une partie, c'était prêt, d'autres, c'était vrai renflouement, bon, peu importe. Mais donc, c'est le citoyen qui a payé, mais il a payé bien d'autres choses que ça. Bien d'autres choses que ça. Il n'a pas payé que le renflouement des banques, puisque les banques se portent très bien maintenant, et ils l'ont même peut-être remboursé. Il paye bien autre chose. Il paye l'état de l'économie actuelle, qui est quand même sacrément chamboulé. Tu vois, ça je veux dire, les dégâts sont plus nombreux. Mais si je peux me permettre d'intervenir, c'est pas aussi simple que ça, parce que dans la phase, il y a deux phases. Il y a la phase, comme tu l'as indiqué, c'est-à-dire de transfert du système de l'État vers le système financier pour le renflouer, puisque sa structure ne correspond plus à la norme qui a été établie comme, comme correcte du point de vue de la solvabilité. Mais il y a la phase avant, c'est-à-dire la phase d'extraction de ce que vous appellerez l'économie réelle sur le système financier. C'est, et ça, il ne faut pas l'oublier, il y a un avant, il y a ce que vous appelez la crise, et puis après, il y a l'après. Mais le système dit de l'économie réelle, il a autant profité de cette extraction, il a profité de cette extraction pour avancer lui-même, puisqu'il y a des dettes qui ont été contractées, donc il y a des gens qui ont consommé, il y a des gens qui ont investi, il y a des gens qui ont pu acquérir et donc détenir des droits sur des richesses. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Mais moi, ce que j'aurais juste aussi reprécisé un mot, c'est que pour moi, le mot risque, c'est un mot qui est relativement imprécis. Parce qu'en matière financière, c'est un concept, moi, ce que j'appelle un concept flou. Parce que vous êtes dans une comptabilité en coût historique, vous avez une variation de prix de bourse, vous n'avez pas les mêmes conséquences sur votre résultat que quand vous êtes en fair value. Et aujourd'hui, la filière scientifico-industrielle de mon point de vue, a introduit de la volatilité, c'est-à-dire au sens vrai du terme, non pas journalistique, c'est-à-dire de la variabilité forcée pour créer de façon un peu fictive, me semble-t-il, des apparences de risque. Effectivement, vous l'avez noté, peut-être que certains rétablissements d'établissements financiers ne se voient uniquement le retournement lié au transfert d'argent public sur le système, et tout simplement de l'arrêt de compteur qui introduisait une volatilité qui mettait une apparence de fragilité dans quelque chose qui ne l'était pas. Oui, c'est pas aussi simple. Et moi, je pense que une partie du brouillage que l'on a, c'est qu'est-ce que le risque ? Zut, quand je me casse la figure, il y a un risque physique, c'est bon. Et en matière de finance, qu'est-ce que le risque ? Vous voyez ? Mais moi, je peux juste rajouter que d'expérience, la plupart des innovations financières en termes de produits vendus entre agents financiers ou. C'est toujours pour créer un brouillage de l'appréhension des choses et qu'il y a un transfert, effectivement. Le prix du risque n'est pas le même pour les deux parties. Enfin, il y en a un qui le connaît. Alors, c'est la symétrie d'information, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a forcément un opérateur qui connaît le risque, même si c'est par un modèle, et l'autre qui ne le connaît pas. Et à chaque fois qu'on rajoute une innovation, et des produits, des options exotiques et la façon dont elles sont utilisées dans les produits structurés, c'est un exemple tout à fait. Moi, je pensais à IG pour être concret. IG était quasiment en faillite. L'État américain a le grand flou de IG parce qu'une minorité d'individus avait utilisé les modèles browniens pour faire des opérations qui n'étaient pas protégées. Donc, autrement dit, là, on a un exemple de ce utilisant une vision de risque extrêmement simpliste, il se passe quelque chose qui amène l'État à éviter la faillite de la société. Donc là, il y a bien un phénomène de transfert de risque pour le payer aux autres, puisque l'État, c'est les autres. La prise de risque que certains ont fait avec une vision du risque beaucoup trop étroite, d'où la notion de représentation du risque qui performe. C'est ça qui, je pense, performe en fait. Et c'est ça que j'avais en tête pour votre exemple. Donc deux mots sur le modèle et rupture. Oui et non. Oui, c'était vous qui aviez. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, on peut penser que les modèles ne fonctionnent que quand il n'y a pas de crise et ils ne fonctionnent pas avec une crise, d'accord ? Autrement dit, ils sont incapables de prévoir toute rupture, par définition. C'est pas totalement vrai, c'est vrai massivement, hein, ce que vous dites. Mais pas totalement, pourquoi ? Parce que, d'abord, vous avez des modèles qui peuvent intégrer la surprise. Les modèles de, par exemple, justement, tout ce bouquin-là vous convainc ça s'appelle « Économie des extrêmes ». Et donc on peut, si on s'axe sur les phénomènes extrêmes, ceux justement qui ne sont pas prévisibles, je ne sais pas, que la cathédrale de Paris s'effondre, ou je ne sais pas quoi, tout ça, on peut quand même, si on prend des séries extrêmement longues, etc., et on peut quand même avoir des modèles à condition de prendre ceux-là, le modèle de Pareto en gros, et c'est ce qu'il fait pour prévoir, donc par exemple, il ne s'embête pas, il prévoit exactement combien il va y avoir de catastrophes naturelles, etc., dans les prochaines années. Oui, ça nous a ça. Hein. Bon. Donc, il y a des, à condition de prendre ce fameux modèle qui justement est un modèle qui marche au contraire aux extrémités et pas au début, puisque normalement, c'est les queues qui ne sont pas les siennes, hein, c'est toujours la fin du. Bon. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, sur les ruptures. Je me souviens plus, j'en avais une, mais voilà. Donc oui, à quelques exceptions près, donc je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, et en tout cas, ça a fonctionné comme ça, c'est-à-dire que et la plupart de nos modèles économétriques fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'en macroéconomie, bon, pour sortir un peu de la finance, ça a fonctionné bien tant qu'on était dans les Trente Glorieuses, après ça s'est mis à déconner totalement, il faut être clair. C'est-à-dire que quand on est dans un certain régime, on finit par inventer les modèles qui font que ce régime marche avec le modèle parce qu'on a mis les conditions, bref, on va se retrouver avec ça aussi. Hein. Donc, il y a effectivement, derrière l'idée de modélisation, une idée quand même de BAU, comme on dit pour on parle des scénarios BAU, business as usual, okay, en climat, et ben je pense qu'un peu la même chose ici, la plupart des modèles sont un peu de type, et les scénarios sont de type BAU. C'est vrai. Sur la prévision, alors, j'ai toujours pas compris l'histoire de la nature qui ressurgit hein, dans la prévision, j'ai pas compris ce que vous appelez la nature dans ce cas-là. Hein. Par contre. L'émergence de la vie. Mais dans la finance, là, c'est quoi l'émergence de la vie? Bon, je veux bien parler de biologie, mais pour ne pas quitter Je dis oui. Que oui. On peut avoir l'impression qu'on a rompu oui. Avec un modèle de la nature. Mmh. Je dis, je mets en débat l'idée que non, parce que, en fait, il y a une certaine idée de naturalisation mmh. À travers la posture qui consiste. Consiste à modéliser, essayer de prévoir, etc. Et que c'est le biologique qui donne un exemple qui montre qu'on peut. Je trouve que je suis pas d'accord avec vous parce que je travaille en ce moment sur la biologie. Par ailleurs, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. Mais par ailleurs, là, je suis en train de travailler sur l'histoire du hasard, et en particulier dans les disciplines que sont la physique, et l'économie et la biologie, et justement en travaillant de près la notion de. Ontique, épistémique, objectif, subjectif, c'est-à-dire toutes les manières dont on a utilisé de l'aléatoire. Bon, on a des tas de façons d'utiliser de l'aléatoire pour rendre compte de la vie. Hein. Bon, alors, est-ce que c'est... Vous ne pouvez pas parler d'un seul coup comme ça en disant le modèle n'arrive pas à en parler, ils ne font que ça. Je veux dire que je sors de l'hôpital, ma femme est depuis un an, ils ne parlent que de ça. Ils ont des modèles pour rendre compte de ça. Donc, si vous voulez sans doute dire autre chose, je voulais dire, moi, à ce propos-là, sur la prévision, il y a quand même une chose qui est assez étonnante, c'est que dans l'histoire des options, le fameux portefeuille de couverture, ça n'est pas une prévision. C'est assez autre chose. Hein. C'est quand même, j'ai compris ça, moi, si vous voulez. C'est-à-dire que les modèles qu'on faisait auparavant sont des modèles dans lesquels on a l'équation, si vous voulez, puis on l'a fait opérer, puis elle va nous donner le résultat pour l'année prochaine. Mais dans la fameuse intégrale d'Ito qui est derrière le portefeuille de couverture des options dans la théorie de gestion des options, c'est pas ça, c'est qu'on construit au fur et à mesure du chemin quelque chose qui va couvrir exactement la valeur que prend successivement votre option. C'est-à-dire on a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas de la prévision, c'est quelque chose d'autre, c'est de l'accompagnement, c'est je sais pas quoi. C'est comme si vous disiez, c'est ce que c'est de la prévision. Je tire sur une cible, puis un coup je tombe un peu à gauche, un peu à droite. Là, vous avez une cible qui bouge. C'est comme les radars pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Puis vous tirez sur une cible qui bouge, mais votre tir, chaque fois, s'ajuste à la position de la cible. Donc, le mot prévision va plus. C'est un peu autre chose. C'est de la prévision simulée. Je ne sais pas comment dire. C'est plus la prévision. La prévision, c'est on se compte sur le passé pour prévoir l'avenir. Oui. Donc, est-ce qu'on est encore dans ce cadre-là avec Sauf que l'hypothèse de prévision elle est globale, mais il y a une prévision de continuité. Oui, oui. Le modèle, il y a une prévision continuité qui n'existe pas. Oui. Il y a une hypothèse de continuité pour pouvoir faire ce fameux portefeuille. Non, il y a quand même derrière l'idée qu'on peut déterminer un état optimum du monde, des relations entre les hommes, et que les instruments de notre ingénierie va nous permettre d'atteindre cet état par un procès d'erreur. Ça c'est les Merton et les Vody. Hein, c'est la structural financial. Attends, structural financial. Attends, Oui. Il ne parle pas simplement d'arriver à trouver plus d'une option. L'économie classique décrit l'état optimum. Ah oui. Ce n'est pas la réalité immédiate. Oui. Et par contre, ce qui est important, c'est de déterminer les fonctions à optimiser et les institutions vont être produites par le processus. Et nous, on est les ingénieurs créateurs des institutions qui permettent d'atteindre l'état optimum. Et pour eux, le monde de la finance, c'est un état optimum. C'est-à-dire que la finance se distingue. C'est le réel. La finance rêvée, pas le... La séance est rêvée, mais elle est le réel. Elle est l'activité essentielle. C'est une industrie comme une autre, mais plus importante que les autres. Mais si tu veux, c'est quand même, c'est plus ta prévision, là. C'est, j'ai une prescription d'un état optimum, et les économistes et financiers travaillent à créer les institutions de façon à les instruments, les outils, tout ce que tu as décrit. Ça, c'est ce qu'on avait, oui. J'avais lu des choses. Ça, c'est toute l'idéologie centrale de la finance. J'ai lu des choses analogues chez les économètres des années 40. Oui, dont c'est le même projet qui naît dans les années 30. Oui, ça, c'est le projet des économistes. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je fabrique un modèle, mais ce modèle, ce n'est pas pour m'amuser. C'est parce qu'après, je vais vous dire, on peut prendre telle décision politique. Est-ce qu'une grève d'ouvriers, elle peut durer plus que 8 jours, sans tout foutre par terre ou pas? Et bien, c'est avec mon outil, là, mon petit bricolé, je vais faire ça. Et donc, je vais faire avancer le public au niveau là, en social, bien sûr. Parce que Tim Bergen, il était quand même adhérent du. Il était, comme vous le savez, il était socialiste, adhérent du parti, et il avait refusé de faire son service militaire, etc. etc. Donc, il écrit, c'est lui, je crois que c'est ça, Autrich, en fait, c'était un peu du même type. Nous sommes des ingénieurs sociaux. Et toi, je reviens à cette Mathieu, ils sont des ingénieurs sociaux, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent la société selon cette vision d'optimum que leur donne la théorie, je ne crois pas. Hein, et, mais ce n'est pas, c'est pas un état de nature, là, je ne vois pas avec la nature, toujours pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont ingénieurs qu'ils s'occupent de la nature, ils ne s'occupent pas de la nature. Au contraire, c'est des gens. Parce que, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire. Rueff, c'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, il disait qu'il y a deux sortes de mathématiques, c'est les mathématiques euclidiennes et les autres. Ça veut dire qu'il y a des mathématiques, comme la géométrie, hein, qui sont tout simplement qui s'appliquent au monde dans lequel on vit, d'accord, et l'autre qui s'applique à des mondes imaginaires. Et lui disait qu'il faudrait un peu gaffe quand on est dans les mondes imaginaires. Mais on est un peu là-dedans, c'est d'accord. En ce moment, on est dans des modèles mathématiques qui sont souvent des modèles imaginaires, que ce soit celui du marché. Efficace, efficient, parfait, etc., que ce soit celui de la finance ou que ce soit celui de la macroéconomie parfaitement équilibre, bon, ben, on est dans ça. Donc, c'est pas des états de nature, c'est des états. C'est pour ça que la distinction, c'est par rapport, je ne vais pas discuter avec toi, c'est que tu dis la macroéconomie comme la finance sont des ingénieries, et moi je pense que la macroéconomie n'est pas une ingénierie finalement, puisqu'elle. Son travail, c'est de montrer que l'on élabore une théorie d'optimum. Par contre, que la finance, elle, est la science de l'ingénieur de cette macroéconomie. Elle se réfère exactement au même fondement théorique, la même vision du monde, c'est la théorie de l'équilibre général. Oui. Tu lis des trucs sur Fisher, tout ça. Oui. Ils pensent que l'équilibre est là. En fait, c'est une religion, en fait. Oui, c'est pour ça. D'accord. C'est une espèce de vision du monde vraiment ancrée dans l'imaginaire américain, en fait, je pense. Et après, la finance est là pour produire des outils. Pour atteindre. Oui, mais tant tu as des outils directement macro, enfin, toute la période. C'est alors, mais cela, c'est le retour. Elle a été tellement. Oui, mais ça, je fais abstraction de ça. Ah, oui. Ça, c'est une autre vision du monde. C'est de l'incertitude, c'est pas du risque, etc. C'est une autre vision du monde. Là, je parle après 70 quand s'impose la vision free market économique. Ah, c'est hein. Mais maintenant, la finance rétroagit sur la macro, c'est ce qu'on appelle les nouveaux keynésiens. Et cela, c'est Woodford, tous ces gens-là, qui, eux, déterminent la politique monétaire. Y compris, il y a un effet de retour sur pas ces gens. Par nature même que la macro n'est pas une ingénierie et que la finance en serait une, c'est parce qu'à certaines périodes, la macro a été une véritable ingénierie. On a créé des institutions, des agences de l'État, etc. On a créé des manières de réguler l'économie avec une politique qui vient. D'accord. Est-ce que du côté des jeunes, là, l'ambiance a changé Peut-être que la situation est plus jeune entre nous, là, les étudiants, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, par exemple, est-ce que vous avez une question? Pas vraiment. Mais voilà, peut-être se laisse bercer par nos contradictions. Voilà, tous ces côtés différents, en fait. Voilà. Une des questions. Je vais vous poser une contradiction. Moi, je suis surpris, en fait, par... on ne travaille pas beaucoup sur le côté aléatoire, justement. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'aléatoire, finalement, puisqu'on explique à chaque fois les crises précédentes. C'est juste qu'on n'a pas assez d'informations à ce moment précis, peut-être parce que l'information n'est pas assez bien transmise par tout le monde. Comme la crise des subprimes, il y en a qui l'avaient, entre guillemets, prédit, qui pensaient que justement cette bulle spéculative allait à un moment exploser. Et donc au final, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent après s'améliorer au fur et à mesure à chaque fois et prendre en compte ces informations-là pour essayer de réagir par rapport à ces prévisions et à ces crises qui peuvent intervenir comme justement le modèle des subprimes. Oui, alors les modèles peuvent s'améliorer. D'ailleurs, et se diversifier. Un des problèmes majeurs ici, c'est qu'ils ne sont pas diversifiés. Ils sont à peu près, et on a appliqué le même type de modèle un peu partout aux États-Unis, tout azimut à l'échelle mondiale. Il n'y a pas eu de diversification, de concurrence, etc., entre les modèles. Hein, il n'y a pas eu ça. Il y en aurait eu que non seulement on aurait eu Mandelbrot contre Merton, mais qu'on aurait eu aussi d'autres modélisations possibles. Si vous lisez Orléans, il aurait envie de modéliser autre chose, les interactions entre les acteurs. Il n'a pas forcément envie de modéliser du tout d'ailleurs. Enfin, si on lui demandait de créer des modèles concurrents, il aurait envie de modéliser la manière dont on... Enfin, le truc moutonnier, là, la manière... Mimétique. Voilà. Donc, ça, c'est... Etc. On pourrait trouver... Bon, il y en a qui pensent qu'on devrait passer, comme on le fait en biologie, comme on le fait en physique, à maintenant des modèles qui prennent l'individu lui-même, sa décision, comme unité, le petit grain, ouais, de hasard, enfin, qui n'est pas du hasard, mais qui est... C'est-à-dire qu'on mette, comme on le fait... justement en biologie, le hasard au cœur même des processus, tellement au cœur même que ça soit au cœur de la décision individuelle de l'acheter et vendre, par exemple. Ok, on le sait pas le faire, on le fait pas beaucoup, enfin c'est dans la théorie, mais il n'y a pas de modélisation dans laquelle on agrégerait tout ça et on saurait à la fois décrire les lois individuelles et les lois collectives qui en résultent, comme on a la théorie de l'évolution en biologie, qui est une résultante générale, et cette résultante générale étant par ailleurs enrichi par le fonctionnement des lois de la réalité, soit mendélienne, soit maintenant, on sait que maintenant les biologistes savent travailler sur la variabilité du gène, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle la génétique est en fin de programme, parce que maintenant qu'on a fait le génome, qu'on a vu tout ça, qu'on a tout, le programme déterministe complet de la génétique est à peu près achevé et il laisse en plan des tas de questions, c'est-à-dire qu'on a plus qu'il répondrait à tout, il répond à pas tout évidemment. Et du coup, il y a maintenant des tas de gens qui commencent à retravailler sur la variabilité, ce qu'on avait laissé tomber, parce que quand vous avez un système déterministe, vous n'avez pas besoin. Donc on retravaille sur la variabilité. Donc oui, on peut imaginer des tas d'autres modèles. Oui ? Je voudrais revenir sur un point. J'avais appris, je crois, autrefois, que le marché, ça pouvait fonctionner que s'il était transparent. C'est-à-dire que si les acteurs économiques connaissaient bien ce qu'il y avait, la fixation des prix, etc., c'était une infinité d'acheteurs, une infinité de producteurs. L'idée de marché. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'avec les néolibéraux, ils ont repris l'idée de marché, mais par contre, ils n'ont pas obligé à la transparence. Parce que la titrisation, c'était vouloir occulter des tas de choses. Et tous les produits dérivés, comme vous le disiez tout à l'heure, on fait de nouveaux produits dérivés. Moi, je connais ce que j'ai construit, et que c'est tellement compliqué que ça me permet de cacher un autre, et comme ça, je vais pouvoir l'entuber. Et j'ai l'impression qu'un des gros problèmes, c'est ça, c'est cette non-transparence, et que si il n'y a pas quelqu'un qui dit « on veut bien faire du marché, mais faut qu'il y ait la transparence », ce qui passait autrefois aux États-Unis, quand ils ont fait des lois contre les traces, etc., il y avait cette espèce de chose. Et maintenant, on a dit « il n'y a plus rien ». Mais même s'il n'y a pas de transparence, on laisse faire. Et alors on ne peut plus modéliser s'il n'y a pas de transparence. Oui, mais la transparence, est-ce que vous connaissez un article qui a été regardé de manière descriptive, la transparence, et qui aurait jugé qu'il y en a eu quelque part? Non, la transparence, elle est une hypothèse de départ de la modélisation de Debreu, etc., d'Arrault-Debreu, du modèle d'Arrault-Debreu. elle n'est pas dans la réalité, ils n'en ont rien à foutre. C'est ça que j'appelle non-euclidien. Les principales théories économiques qu'on a sont non-euclidiennes, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas dans le monde dans lequel on vit. Il faut se transformer énormément pour qu'elles s'y appliquent, d'accord ? Donc, je répondrai pour vous, ben, vous avez totalement raison, la réalité n'est jamais transparente. On ne peut même dire jamais, hein, je crois. Et par contre, le modèle qu'on a d'un marché, il suppose qu'il a une hypothèse de transparence. Ils appellent ça autrement, mais... D'ailleurs, je me rappelle, depuis, il avait fait un très beau chapitre d'un livre dont le titre était, grosso modo, sur la transparence, la main invisible, la poignée de main. Mm-hmm. Donc, vous voyez, si vous voulez, ce n'est pas tellement la transparence, mais plutôt la confiance, finalement. Mm-hmm. Et puis, mais voilà, un système à but opaque où les gens se faisaient confiance, un système transparent où les procédures et les normes conduisaient à des systèmes, à des faillites collectives, en fait. Parce que la transparence, c'est en soi un objectif. Et transparence de quoi ? Transparence des données, transparence des portefeuilles, transparence des modèles, transparence des hypothèses. Ben, on sait juste quand même qu'en cas de bulle et de etc., les fameux paradis fiscaux, tout ce qui n'est pas transparent, ça a foutu un peu plus de bordel, mais il y en aurait eu quand même. Moi, je pense surtout que le mot transparence, il est utilisé comme un cache-misère. Hein. C'est-à-dire, c'est un objectif... inatteignable, dont on n'est pas sûr de la pertinence de l'application, pour justement remplacer des concepts de confiance. C'est-à-dire on déshumanise, parce qu'un être n'est jamais transparent, heureusement, Dieu merci, comme ça on arrive à le voir. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection qu'il n'y a pas... Quand des banques se sont bien titrisées, je ne sais pas, les autorités qui sont payées pour ça, on va dû voir que c'était pour aller à l'encontre de tous les ratios prudentiels, etc., parce que et c'est ça que je veux dire, c'est qu'au moins, ou bien on met aucune autorité. Oui, mais il faut être clair, il y avait des acteurs avaient tous avantage à ce que ce soit comme ça, d'accord. Ceux qui se débarrassaient de leur risque, ceux qui le reprenaient avec des possibilités, des risques forts évidemment, mais des possibilités bien importantes, quand ils avaient tous intérêt à ce que ça soit. J'ai une question que tu me fais sur le contexte, quand tu parles de dispositif matériel, j'ai demandé, mais c'était pas du tout dans le sujet. Et ça rappelait même pour Michel Foucault, dispositif de gestion, de quoi, de 10%. Oui, alors bon, moi je pense qu'il y a des terminologies qui sont différentes, qu'on utilise un autre terme. Enfin, le principe, c'est qu'il y a effectivement des dispositifs. Voilà, oui, ça, oui. Ouais. Je pense qu'il faut trouver un mot comme ça, parce que sinon, le mot de performativité, si tu enlèves ça, c'est vrai qu'il devient un peu évanescent. Donc, Caron, il s'est raccroché à cette idée que, au fond, on peut dire ça, que si on est capable de... C'est pour ça qu'il y a du boulot de recherche à faire, si tu veux, et pas seulement du boulot de démonstration. Tu vois que tu as dit que c'est pas de la science pure, etc., dans un tour d'ivoire qui se fabrique, mais que c'est une transformation du monde qui, à la fois, utilise la science pour comprendre le monde et pour le performer, pour qu'il marche comme dit la théorie. Une fois que tu as compris ça, il faut regarder les mécanismes mêmes qui sont... Alors, c'est des mécanismes de 36 sortes, hein, je veux dire, c'est... Par exemple, si tu regardes comment, l'histoire du chômage, le salaire, etc., enfin, cette histoire-là, on peut faire la même analyse de dispositifs qui sont des mises en œuvre d'une théorie du chômage, et ces dispositifs prenant la forme de la gestion même des chômeurs, et de tous les organismes de chômage qu'on a, toutes les règles sur l'égalité et les enquêtes de chômage, etc., etc. Les dispositifs, c'est à la fois des instances de design, on va dire, tu vois, des instances de gestion, des instances de négociation, c'est tout ça pour moi, je pense, qui fait que tu peux transformer le monde pour que ça colle avec tes données. Mais en fait, dans ton paragraphe, tu as bien deux choses. T'as, en fait, le rôle des croyances, donc ce que les gens ont en tête, donc les idées, la fameuse phrase de Keynes, l'homme d'affaires, etc., donc les idées avec lesquelles on pense, donc on agit, c'est un axe. Et l'autre, c'est bien effectivement ce qu'on appelle les dispositifs, ça veut dire les choses elles-mêmes. Oui, oui. Qui vont structurer les dispositifs. Mais enfin, il y a une partie qui est de l'idéologie dans les dispositifs. Hein. Ouais. Nous, on appelle ça les dispositifs de discours, mais ça existe. Hein, ça doit exister dans les sciences. Je vous propose la petite demi-heure qui reste. Hein, ça va avoir l'air de changer de sujet, mais de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que la modélisation du changement climatique pour vous mettre un peu les. Pour voir ce qu'il y a de commun ou pas de commun avec la finance. Ça peut vous paraître bizarre, mais je pense que c'est intéressant de faire le... Alors, là, je vais vous raconter, je vais parler... Il y a des textes que j'avais, mais j'avais même prévu des diapos, mais enfin, on n'a pas le temps. Attendez, vous savez que je vais dire ça. Histoire. trouve donc que depuis une dizaine d'années, je travaille au 60 Coiret sur... Alors ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire quoi, je travaille sur, on va être plus précis. Nous travaillons avec, entre historiens des sciences, on est trois ou quatre, plus de, les thésards, des climatologues et des économistes, d'accord, les trois, ces trois groupes-là. Les climatologues, c'est des gens de l'Institut Laplace, bon là, c'est le grand institut de Pierre-Simon Laplace qui fait de... Qui s'occupe de ça. Il y a deux instituts en France, c'est Météo France à Toulouse et à Paris, l'Institut Simon Laplace. Bon. Et les économistes, c'est ceux du CIRET qui sont dans la Seine, là-bas, hein, autour du Ourcage et... Nogent. Et ils sont dans le bois, clairement, hein, dans le Nogent. Voilà. Donc, et nous, donc, au centre Coiret, donc on est à peu près trois personnes qui travaillons là-dessus, donc... Amida Han, moi-même, et plus de pas mal de jeunes maintenant qui font leur thèse à vie. Il commence à y avoir du monde qui travaille là-dessus, sur des différents aspects. Donc nous, l'objectif n'était pas d'avoir un avis sur le climat, on n'est pas climatologue, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Bon. Et on est parti avec, d'ailleurs, c'était dans les années, on a fait le premier bouquin, le premier truc sur la modélisation. Donc notre point de départ, ça a été la modélisation du climat, comment ça marche, comment ça se pose, parce qu'il se trouve qu'avec Amida Han, on avait écrit un papier sur une idée qu'on voulait vérifier, à savoir que la modélisation avait changé de statut par rapport à ce qu'on trouve dans les bouquins de philo et tout ça. C'est-à-dire que la modélisation pour nous, elle a deux je vais les opposer caricaturalement, mais évidemment, c'est un peu trop. Si vous parlez de la modélisation de la chute des corps et du pendule, de la loi du pendule et de je ne sais pas quoi, voilà, d'accord, vous êtes avec des modélisations qui sont fortement adossées à une théorie physique, une théorie, etc. Okay. Et à ce moment-là, le modèle, c'est décrit dans tous les bouquins des sciences, le modèle, c'est une façon de confronter les données d'observation et les données théoriques de la théorie, etc. Or, nous, on se trouve dans le climat où ce n'est pas ça du tout. C'est autre chose. On a regardé la modélisation des transports, on a fait 2 ans de travail sur la modélisation des transports avec des gens des ponts et chaussées. Pareil, on s'est aperçu que c'était absolument pas ça, c'était pas du tout au centre, ça servait pas du tout à vérifier, c'est pas du proper, ça n'a rien à voir. Hein, tout ça, c'est vraiment bidon. Alors, c'est pas que c'est bidon, mais là j'exagère, c'est simplement que, à cause des enjeux politiques, d'une part, à cause des outils actuellement de simulation, d'autre part, On a un rôle de modélisation qui a complètement changé, donc on peut prendre le virage, sinon c'est la guerre et l'après-guerre, quoi, c'est les années 50. Alors, pour étudier ça, eh bien, on a donc étudié ces modèles. Et comme on travaille avec les climatologues, bien sûr, on a passé les premières années à faire des rencontres avec eux, à lire leurs textes, etc. Et discuter avec eux. Donc, pour vous mettre un petit peu au courant de ça... je le dis en deux mots, les modèles des climatologues sont donc issus de modèles physiques, qui sont les modèles de la météo, hein, et qui sont tout simplement la circulation de l'atmosphère. Donc les premiers modèles s'appellent des GCM, General Circulation Model. Okay. Donc ils s'intéressent à la circulation de l'atmosphère, et avec des lois, qui sont des lois des fluides, hein, donc avec des équations dérivées partielles, et tout ça. Bon, c'est plutôt un modèle comme on le adossé à une théorie qui est la théorie du fluide, hein, voilà. Donc on regarde comment la masse de l'atmosphère... Alors évidemment, il y a plein de phénomènes physiques nouveaux qui sont greffés là-dessus. Il y a d'abord la circulation, puis après on s'est aperçu qu'il ne fallait pas faire des GCM, mais des AOGCM, c'est-à-dire atmosphère, océan, et donc rajouter l'océan. Puis ensuite, on a rajouté plein d'autres choses. Donc, pourquoi les océans? Parce que dans l'équilibre de la climat, il joue un rôle fondamental et avec des inerties énormes. Ce n'est pas les mêmes durées de réaction. Hein, voilà. Et on a et ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait aussi rajouter la couverture végétale, que si vous avez un terrain tout désert et jaune, c'est pas pareil que s'il y a de la glace, s'il est tout blanc, et c'est pas pareil que s'il y a de la végétation du genre arbre ou s'il y a de la végétation du genre culture potagère. Hein, voilà. Donc, ces modèles se sont énormément alourdis et ils ont profité de l'informatique pour devenir des modèles qui ont certes des bases physiques, mais qui sont des modèles essentiellement maintenant informatiques. C'est-à-dire, vous pouvez, et ces modèles informatiques sont des modèles maillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a maillé la surface, dans le sens du tour du globe terrestre, d'accord, et dans le sens de l'altitude aussi, on a des mailles, disons de 50 km par 50 par 50, par exemple, pas par 50 dans l'autre sens, en vertical c'est plus petit, mais on a des modèles 50 par 50 au sol, plutôt 100 par 100 au début et 50 maintenant, et dans ces mailles, on a, les physiciens rentrent toutes les valeurs moyennes de la maille, qui leur proviennent de quoi? D'une immense série d'instruments d'observation, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire l'histoire sociale de ça sans dire mais d'où ça sort. Et bien, ça sort de toute l'histoire de la météorologie des mesures de température, de pression, de vent, de machin, qu'il y a un peu partout sur le globe terrestre, sur mer, sur terre, et des satellites qui ont complètement transformé la vie. D'accord? Donc là, vous avez, d'où le fait que c'est pas une science, c'est une technoscience. C'est à nous, on s'est persuadé de ça. Il n'y a plus de science séparée des techniques, et vous ne pouvez pas faire de sciences d'atmosphère, c'est que vous n'avez pas tout ce bazar de techniques qui vous aident, et vice-versa, votre science va être utile aussi aux techniques qui se développent. Donc, ces modèles énormes, est-ce qu'ils sont adossés à une théorie? Pas du tout. Ils sont construits par des climatologues qui mobilisent quoi? De la physique. Ah oui, mais les océans. Donc, ils vont chercher les océanologues, ils vont chercher les pêcheurs, ils vont chercher les gens qui vont au pôle, ils vont chercher ceux qui vont des carottes, ils vont dans la glace, ils vont chercher ceux qui vont s'occuper de la couverture végétale, les agronomes, etc. Autrement dit, il y a une énormité de savoir, de statut épistémologique et de statut disciplinaire différent. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est essentiellement une grosse plateforme d'agrégation de ces connaissances. C'est ça. Donc, oui, c'est déjà là, on a quelque chose qui est très différent de ce qu'on a appelé un modèle en finance tout à l'heure. Hein. Ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Alors, c'est d'énormes modèles qui sont dans des gros ordinateurs. Et maintenant, l'histoire, il faut quand même qu'il y ait un problème, parce que dans mon histoire, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Alors, le problème, il existe. C'est, en gros, la crise de l'environnement et la découverte de l'évolution du climat, l'évolution assez brutale de ces dernières années, contestée par les climato-sceptiques depuis quelques temps, mais qui ne l'était pas jusqu'à il y a 3 ans. Et on peut considérer qu'on a quand même accumulé pas mal de choses dans cette faveur. Alors pourquoi il y a problème? Il y a problème parce que, par des sources diverses et variées, donc qui viennent aussi bien de la physique elle-même, des calculs sur l'effet de serre qu'on sait faire, okay, et donc il y a de la science là-derrière, de la circulation de l'atmosphère, il y a de la science là-derrière, physique qu'on connaît, de la circulation sous les nuages, il y a plein de petits bouts de science, vous voyez, l'histoire des tas de trucs sous les nuages un peu bizarre. Bon, il y a plein de petits bouts de science agrégés comme ça, et qui nous permettent de faire tourner ces modèles dans soit des simulations en marche arrière pour reconstituer les climats passés, soit des simulations en marche avant pour faire de la projection. On n'appellera jamais ça de la prévision. Comme en économie, on appellera prévision quelque chose pour l'an prochain, mais quelque chose pour dans 50 ans ou 100 ans, on appelle ça de la prospective et pas de la prévision. Alors, ces gros modèles sont alimentés, donc permettent d'avoir en somme, avec des tas de bouts de savoir venant de tas de disciplines, permettent de voir comment évolue comment bouge le climat. D'accord ? Et donc, ce faisant, on est capable de, avec des fourchettes d'incertitude énormes, évidemment, hein, de faire donc de la prospective, de la projection. Sauf que, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ça et qu'on met de l'argent là-dedans, etc. C'est qu'il y a une demande politique. La demande politique vient de quoi ? Elle vient d'abord de l'ONU, c'est-à-dire des organismes onusiens qui ont mis en place l'UNFCCC, qui veut dire que le truc des Nations Unies, UN, hein, et l'EF, je ne sais plus ce qu'il veut dire, et CCC, c'est le changement climatique. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est dans le prolongement de tous les travaux des années 70 du Club de Rome et de ses conséquences. C'est-à-dire, le Club de Rome a été quand même un truc énorme avec le rapport qui s'appelle Les limites de la croissance, parce qu'il a mis en conscience devant les gens qu'il y avait peut-être un problème de limite de la croissance, comme indique le titre. Je vous rappelle, ça a été fait sur la base d'un rapport des Meadows, hommes et femmes, mariés et femmes, fait sur la base d'un modèle de Forrester, qui était un modèle de dynamique, dynamique, c'est-à-dire un modèle avec des bouclages, un modèle qui est pour la première fois, hein, dans les années 70, un modèle d'ensemble du monde. Bon. Et un modèle de cet ensemble du monde du point de vue des grandes masses, donc des grandes quantités, c'est-à-dire de la production, de la consommation, bien sûr, de l'extraction de ressources naturelles, de la démographie. Et donc, ces choses-là sont-elles naturelles, sont-elles non naturelles? Au passage, déjà, on voit bien que non, c'est un mélange. La démographie, c'est la nature ou c'est l'homme? C'est bien un mélange. L'énergie, c'est de la nature ou c'est l'homme? C'est un mélange, etc. Donc, on est devant des disciplines qui doivent apporter des corps de connaissances qui sont extrêmement variés. Et à partir donc de ces travaux du club de Rome, il y a eu des réactions à ce rapport, c'est-à-dire que ce rapport n'était pas un rapport d'économiste, il n'y avait pas de prix là-dedans, ils ont tous pris le scandale, les économistes classiques, et donc on a eu en face toute une série de réactions, en particulier son nom m'échappe encore, mais bon, Nordhaus, qui est un économiste de la Quartz Commission, qui a fait énormément de travaux de ce truc-là pour contrer les... Lui, il était tout à fait contre les conséquences de ce rapport du Club de Rome. Enfin, ce que disait le Club de Rome, c'est qu'il fallait quelque part freiner, arrêter, faire quelque chose, parce qu'il y avait une limite à la croissance qui était à la fois dans les ressources naturelles et dans la pollution, en gros. Il y avait très peu de climat. Il y avait une page sur le climat, ou deux pages sur le climat, à cette époque-là. À ce moment-là, donc le sommet... C'est le moment du sommet de Rio sur le sommet de la Terre qui va un petit peu lancer tous les travaux là-dessus. Et le sommet de la Terre va aboutir, va c'est 3 ans avant en fait, il va y avoir la création du GIEC. Hein. Le GIEC est donc un ensemble, ça veut dire groupement international. Non, des. Groupement international pour les changements climatiques. Merci. Je suis fatigué, donc je ne trouve plus les décisions. On les manipule tous les jours. Donc ça s'est créé en 1988, le GIEC. Donc le GIEC, qui s'appelle IPCC en anglais, le GIEC, donc son objectif, c'est de faire de travaux, il ne mène pas de campagne, il ne fait pas de travaux, il fait des synthèses des travaux des scientifiques, d'accord? Et ces synthèses sont des rapports, il fait un rapport tous les 5 ans par là, donc on en est au 4e, et dans ce rapport, il fait la synthèse des travaux des scientifiques sur le changement du climat. Bon, ça c'est pour vous donner les points de repère. Et cette synthèse se fait par toute une... un montage assez compliqué, il y a un rapport final qui est très compliqué. Alors le GIEC a 3 parties, c'est pour ça que ça... Une partie, c'est les climatologues, donc c'est le climat dans ses aspects naturels, si vous voulez, mais ils sont plus très naturels, puisque on découvre qu'il y a une influence de l'activité humaine là-dedans, beaucoup, et des cultures et tout ça. Et puis, il y a un deuxième groupe qui va s'intéresser aux impacts sur la société, pas mal d'économistes, et un troisième groupe qui va s'intéresser aux réponses à apporter, pas mal d'économistes. Donc en fait, les économistes sont dans 2 groupes sur 3. Tout le monde pense que dans le GIEC, il n'y a que des physiciens, non? Il y a beaucoup plus d'économistes que de physiciens, d'une certaine façon. Il y a 2 groupes, en tout cas sur les 3, qui sont aux mains des économistes et de quelques autres sciences sociales, mais pas beaucoup. Pas beaucoup d'anthropologues, pas beaucoup de... C'est quand même un peu dommage. Hein. Pas beaucoup de sociologues, pas beaucoup. Bon, quel a été... rapidement, je donne ça, puis on va voir ce qu'il en est de la modélisation, justement, de la partie économique. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le premier rapport a mis en évidence qu'il y avait donc une évolution du climat de nature anthropique. Anthropique, pas E-N, mais A-N, d'accord? C'est-à-dire dû aux activités humaines. C'est la fameuse courbe en manche de hockey, là, c'est-à-dire qu'il y a une légère croissance, puis à partir de la révolution industrielle, donc 1820, cette croissance s'accélère, et puis dans les 20 dernières années, là, elle est en train d'aller très vite. Évidemment, cette courbe est contestée par quelques-uns qui disent que non, elle n'est pas bonne, etc. Donc, il y a controverse sur ces objets. Mais grosso modo, les rapports du GIEC rassemblent des travaux de 3 000 à peu près chercheurs, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et il y a une dizaine, une vingtaine peut-être de gens qui contestent ces résultats actuellement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison, puisque bien sûr dans les sciences, ils prétendent qu'une seule personne peut avoir raison contre 10, mais c'est quand même douteux. Alors, ce que je veux raconter maintenant, donc, c'est qu'est-ce que foutent les économistes dans cette galère, parce qu'on va revenir à l'économie quand même. Hein. On va parvenir forcément à la finance, bien qu'il y en ait, mais on va revenir à l'économie. Eh bien, c'est tout simplement que il faut répondre non pas simplement à la question qu'est-ce que c'est que le climat, comment ça fonctionne. Les climatologues pourraient se débrouiller. Mais ils ne peuvent même pas tout seuls se débrouiller. Pourquoi? Parce que s'il y a une influence anthropique, ça veut dire que le système a sa propre mécanique, complexe, très complexe, mais qu'en plus, il est perturbé. perturbé par différentes choses. Alors, il peut être perturbé par le soleil qui fait des conneries, il peut être perturbé par un circuit dans les océans qui n'est pas le bon, les niveaux linéaires, etc. Il peut être perturbé par l'activité humaine, d'accord ? Donc le mot de perturbation, il est général, mais il y a là-dedans une perturbation anthropique importante. Or, cette perturbation anthropique, tout ce qu'on sait, c'est que par le fait des gaz à effet de serre, chaque fois qu'on émet des gaz à effet de serre, eh bien, on va dans le sens d'un réchauffement. Donc, c'est d'un point de vue théorique, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Le problème, c'est, le conflit avec certains des critiques, c'est simplement de dire qu'est-ce qu'il emporte, est-ce que les variations naturelles suffisent à expliquer ce qu'on observe, ou est-ce qu'il faut amener sur le terrain l'activité humaine pour en rendre compte. Voilà. Bon. À partir du moment où cette activité humaine, vous êtes obligé de la prendre en compte, même si vous êtes sceptique et si vous voulez vérifier, vous voyez que vous allez être obligé d'intégrer une réponse à la question simple, c'est que vont faire les bons hommes sur la Terre dans les 100 ans qui viennent. Et là, on est non pas sur de la prévision, mais sur de la prospective. Donc on va mobiliser des instruments qui en économie ne sont pas des modèles, enfin seront des modèles après, mais sont d'abord des scénarios. Pourquoi ? Parce que les économistes et d'autres aussi, les sociologues, les industriels, etc., se sont trouvés en face de ce problème plusieurs fois, en particulier dans trois ou quatre conditions. L'histoire de la prospective, j'ai essayé de la retracer, elle est assez intéressante. Elle s'inscrit soit dans les travaux de planification, soit dans les travaux des grandes sociétés industrielles, et particulièrement des sociétés industrielles liées à l'énergie. La prospective, oui, il faut savoir à 100 ans, à 200 ans, qu'est-ce qui va se passer. Or, l'outil de la prospective n'est pas la prévision. Qu'est-ce que c'est qu'une prospective ? Pour deux raisons, ça n'est pas la prévision. D'abord, pour la longueur, c'est du long terme et pas du court terme, bon, ça vous avez compris, mais c'est pas que ça. C'est que la prospective, c'est pas dire ce qui va se passer, c'est dire ce qui pourrait se passer. Et ce qu'on voudrait qu'il se passe. Donc, quand vous êtes un planificateur, ce qui était le cas, par exemple, de Pierre Massé, qui a été à la fois, comme vous le savez peut-être, le responsable du plan et à la fois un ingénieur qui s'est occupé des barrages hydroélectriques, etc., qui a eu toute cette activité-là, eh bien, il a fait un joli bouquin sur le plan qu'on peut relire, où il explique que la prospective, ça consiste à essayer de trouver le futur qui correspond à une continuité possible avec le présent, autrement dit, il faut que ce soit un futur possible. Il y a là des impossibles, oui. Par exemple, si vous rêvez, rêvez de ce que vous voulez, c'est souvent impossible. Bon, donc il faut quand même qu'on prévoit un état du monde dans 100 ans qui soit le résultat de celui d'aujourd'hui, que ce soit possible de rejoindre les deux. Deuxièmement, il ne faut pas seulement qu'il soit possible, il faut qu'il soit qu'on le désire. Pourquoi il faut, alors ça c'est important. Donc d'où le fait que la politique vient au premièrement. Parce que notre problème n'est pas scientifiquement de savoir ce que va devenir le climat. On ne peut, cette question est sans objet, n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens, parce que le climat, il est perturbé. Donc il faut savoir que vont faire les perturbateurs. Et donc, par conséquent, c'est une affaire politique. Donc, dans le GIEC dès le début, quoi qu'ils en disent, ils n'ont pas fait que de résumer des travaux scientifiques. Ils les ont résumés en ayant en vue qu'il fallait qu'ils travaillent sur différents scénarios. Ces scénarios s'appellent les scénarios SRS. Ils ont été mis au point en 2000. C'est des scénarios assez simples, mais qui indiquent, en gros, des possibilités du futur. Alors, premier problème, on ne sait pas, il n'y a pas de futur plus probable que d'autres. Il n'y a pas de futur impossible complètement. Donc, c'est une sorte de cône qu'on dessine. Oui, qu'on dessine. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario ? C'est deux choses, c'est une histoire et un modèle. Alors, une histoire, c'est des stories. Donc, un scénario, c'est pourquoi les stories ? Parce que ça permet de vérifier la cohérence de ce qu'on va raconter, donc quand on écrit une histoire, ouais. Tandis que si vous écrivez que le PIB sera dans 50 ans de telle valeur et que la population sera telle valeur sans relier ça dans un discours qui se tient, vous allez arriver à des incohérences terribles. Donc il faut que les scénarios soient cohérents, et cohérents dans les deux sens du terme, c'est-à-dire cohérents diachroniquement et synchroniquement. Ces scénarios, donc, c'est des histoires, mais ces histoires, elles sont musclées avec des chiffres. C'est-à-dire c'est aussi des bases de données. Et sur ces bases de données, on les rentre dans le modèle comme étant des chocs, comme étant des perturbations, hein, donc du mouvement naturel, entre guillemets, mais ce naturel, entre guillemets, il faut beaucoup de guillemets, donc du mouvement naturel de l'atmosphère, des océans, etc., qui fait le climat qu'on avait avant l'industrialisation, si vous voulez. Donc on a un scénario qui s'appelle BAU, ça veut dire business as usual, ça veut dire on fait rien, on fait comme d'habitude. On vit sans changer rien. Et puis on a des scénarios qui sont très pessimistes, d'autres très optimistes. En fait, les scénarios du je crois que je traîne trop, oui, pour que j'arrive. C'est des scénarios du GIEC qui étaient faits par un système à quatre cases, très simple. C'est-à-dire, soit on va vers. Il y avait là, c'était ouverture, autrement dit concurrence mondiale, si vous voulez, ouverture et concurrence mondiale, ou bien repli protectionniste, chacun chez soi. Oui. Et ça, c'était un des axes. Et l'autre axe, c'était développement à base de carbone et développement à base de nouvelles ressources non carbonées. Voilà. Bon. Et sur cette base-là, ben, on a donc des scénarios qui nous disent que, quand on fout ça dans le modèle des climatos, hein, alors c'est construit par qui ces modèles ? Par les économistes, c'est eux qui savent articuler des projets de croissance, ouais, avec tous les éléments de la croissance, croissance démographique, croissance, etc. Et les climatos, autrement dit, on a une coopération à ce niveau-là, c'est que les climatos, même si c'est des scientifiques purs, et que vous trouvez que les économistes, ce n'est pas des scientifiques, et ben ils sont obligés de bosser sur les scénarios des économistes. Et deuxièmement, ensuite, quand ils ont bossé sur ce système perturbé, ils font des prévisions et ils s'aperçoivent évidemment qu'il y a énormément de ce qu'on va appeler d'incertitudes. Okay, c'est-à-dire qu'on a peut-être 50 modélisations pour 50 scénarios, 50 fois 50, 2500. Donc on a 2500 courbes qui vont nous dire ce qui va se passer dans 100 ans. Et l'incertitude est énorme, c'est-à-dire certaines de ces courbes vont nous dire que... J'ai dit quoi ? Oui, c'est ça. Il faut multiplier le nombre de scénarios possibles par le nombre de modèles pour chacun des scénarios. Hein, parce qu'il y a la petite équipe de machin qui fait un modèle, la petite équipe là-bas des grands Bretons qui fait autre chose, celle des Américains qui fait autre chose, etc. Donc il y a des équipes différentes qui bossent sur des scénarios un peu homogénéisés, semblables, donc qui permettent la comparaison. Et donc avec ça, on fait des prévisions. Ensuite, on arrive à la phase 2, le GIEC, deuxième volet, sur la base de ces choses-là, avec des incertitudes grandioses, mais dont vous voyez maintenant le régime de la nature, va être obligé de faire la jonction avec les impacts. Qu'est-ce que ça donne comme impact ? Alors, les impacts, il n'y a pas que les économistes. Hein. Les impacts du changement climatique vont être sur les économistes, mais aussi sur les mecs qui s'occupent de l'agriculture, des forêts, des villes, tout ça. Hein. Donc, il faut imaginer tous ces impacts et savoir les chiffrer. Pourquoi il faut les chiffrer ? Ben parce que la question s'est posée par la dernière partie, c'est-à-dire la décision politique et la négociation. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien du tout ou on fait quelque chose ? Donc là, on peut dire que si vous êtes dans l'ancien modèle d'expertise dont j'ai parlé tout à l'heure, vous dites « les politiques, on s'en fout, on fait une recherche comme on veut, nous, on est calme ». Si vous êtes dans le deuxième, les politiques, viennent demander simplement aux scientifiques d'étudier le climat comme ils veulent, puis après, ils les convoquent pour donner des expertises. Mais on n'est visiblement pas dans ce cas-là, on est dans un troisième problème où ils leur demandent de faire tourner sur leur modèle certains scénarios pour arriver à certaines sorties, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un pilotage par la politique du travail des scientifiques. Est-ce que c'est grave, docteur ? Moi, j'ai tendance à penser que non. C'est-à-dire, moi, je suis un partisan de la troisième forme plutôt que de la première. Je trouve que en tant que citoyen, je me sens assez concerné par ce sujet-là, par d'autres, hein, pas que lui, soyez tranquille. Je suis concerné par la pauvreté, et donc quand je suis concerné par la pauvreté ou les inégalités, j'aime bien qu'on me sorte des arguments. Moi, j'attends que quelqu'un me sorte un bouquin, puis je le lis, quoi, voilà. J'ai besoin de ça. Bon. Eh bien, j'ai besoin de ça aussi pour le climat, c'est-à-dire que j'ai besoin de pouvoir, dans ma vie de citoyen, tout simplement, pouvoir donner des mandats politiques aux gens qui vont me représenter dans les négociations climatiques d'une part, pouvoir donner des mandats politiques aux gens que je vais élire à droite à gauche, et puis donner des mandats à personne et descendre dans la rue quand ça m'anime. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin de ces modèles. Est-ce que c'est grave ? Ces modèles sont déjà eux-mêmes perturbés par des tas de choses qui ne sont pas de la nature, ouais, qui sont des projets sur la comète, c'est le cas. Et je pense que c'est quand même intéressant et bon. Alors après, notre boulot ne consiste pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. Notre boulot consiste à regarder finement comment s'articule cette espèce de gros modèle fédérateur de connaissances diverses, ce qui est le modèle GCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les modèles des économistes. Parce qu'à ce moment-là, ils arrivent, eux, ils font aussi des modèles. Et qu'est-ce qu'ils font comme modèle ? Et bien, ils vont faire des modèles qui vont servir à la fois pour construire le scénario, ce que je vous ai dit, et pour construire aussi des évaluations et d'autres modèles encore pour construire les réponses politiques. Sur les premiers types de modèles, deux grandes familles de modèles qui sont intéressantes. Les premiers modèles, c'est les modèles de croissance. C'est les modèles de croissance qui, à la solo, hein, voilà, un petit peu améliorés, dans lequel il y a un agent unique, et puis on optimise d'une part ses pertes et gains avec un machin coefficient d'actualisation qui est à souhait bordélique et en certification dès qu'on est à 100 ans. Je vous explique tout ça avec des mots crus rapidement. Hein. Et puis avec aussi une optimisation intertemporelle, c'est-à-dire est-ce qu'on fait payer aux générations à la nôtre ou à la prochaine, etc. Donc vous avez ces types de modèles qui ont été mobilisés par exemple sous la forme d'un modèle qui s'appelle DAIS, que vous pouvez même télécharger sur Internet, qui tourne sur Excel, qui est un modèle de Nordhaus, fait dans les années 90. Et puis, il y a d'autres modèles d'un type tout à fait différent qui sont des modèles d'ingénieurs fondés, eux, sur le... Alors, on appelle ça un modèle d'ingénieur parce qu'il s'intéresse aux filières industrielles, énergétiques, une par une. Il regarde ce qui rentre et ce qui sort. Donc, vous entendez input-output, ou bien vous entendez... Donc, input-output, c'est le modèle de Lyontief, le modèle d'analyse de Lyontief, ou bien encore les modèles de Koopmans, qui sont des modèles d'analyse d'activité, qui sont un peu sur le même type, en gros. Et avec ces modèles-là, donc on les appelle plutôt bottom-up, alors que les autres sont top-down. Voilà. On part en gros de, ben oui, les hommes, ils vont faire quoi comme énergie, ils vont développer quoi. Et avec ça, on a ces modèles-là. Bon, alors, évidemment, les économistes faisant ces modèles, ils ont quand même ils doivent aussi les perturber, c'est-à-dire, enfin, ils doivent mettre dans leur modèle quelques équations de l'évolution du climat. Donc, on obtient comme ça des modèles qui s'appellent d'évaluation intégrée, IAM, c'est-à-dire Integrated Assessment Model. Ces modèles se sont développés beaucoup à partir des années 70. Le centre de ça, c'est l'IASA à Vienne. C'est un espèce de centre où circulent beaucoup de... Alors, donc là, il y a de l'ingénierie en pagaille économique. Si vous discutez avec les gens comme nous, qui sont des économistes qui, à la fois, bricolent ces modèles, publient, vont aux réunions du GIEC et vont aux réunions de négociation, vous comprenez ce que c'est que la liaison science politique intime en suivant ces acteurs précisément, chacun. Vous voyez, ils font ces quatre métiers-là, c'est-à-dire ils font le métier d'économiste consistant à dire aussi la croissance démographique et de ça, bon, on va mettre plus de 10%, on fait ça, voilà, voilà. Ils ont leur petit boulot de, voilà, j'écris un article là-dessus, puis après je défends mon article pour que le GIEC en tienne compte, vous voyez, donc il y a des... qu'il soit lu cet article référencé et tout ça. Et puis ensuite, je suis éventuellement délégué de mon gouvernement ou d'une par une... Parce qu'il n'y a pas que le gouvernement dans les COP, hein, la COP de Copenhague, de Cancun, etc. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a toutes les ONG et il y a toutes les groupes de pression de toutes sortes. Donc c'est assez... Bon, j'ai essayé de vous résumer mon histoire. Alors bon, il y a une crise... je dis très rapidement deux, trois choses sur la crise et je m'arrête, et puis on discute de ça, et puis ça sera le... Cette crise de la... Alors, il y a une crise actuellement très, très forte qui a été déclenchée par trois choses. Hein. La première chose, c'est les échecs de la gouvernance à l'échelle mondiale des négociations à Copenhague, ça vous le savez, vous avez entendu parler dans le poste. Il y avait effectivement une espèce de schéma de gouvernance internationale qui était un des premiers qui s'est produit dans le monde. Où est-ce qu'il y a de la gouvernance internationale? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc il y avait une sorte d'espoir qui a été mis, surtout à partir du fameux protocole de Kyoto, qu'on allait se saisir globalement et directement à l'échelle la plus élevée, c'est-à-dire supranationale, de ce problème et le régler de manière rationnelle avec le gouvernement d'ingénieurs, d'économistes, de climatos, etc. Bon. Ça a quand même un peu dérivé, hein. C'est-à-dire que ça a même capoté en partie, ça a un peu réussi en partie, ça a un peu en partie. Pourquoi? Parce qu'on est tombé sur quelque chose de simple, c'est qu'il y a des rapports de force, il y a des rapports de... C'est-à-dire que c'est la géopolitique, c'est-à-dire tout ce que vous entendez dans les COP, c'est l'interaction de ce que je viens de vous raconter avec le jeu de la géopolitique actuelle, qui est qu'il y a des petits États, des gros, des émergents, et qu'ils ont des stratégies de développement qui ne veulent pas lâcher comme ça pour une crise climatique, etc., etc. Donc, on a chez nous deux, trois personnes, des arts qui vont à toutes les COP, qui vont étudier ça en anthropologue, comment ça se passe une COP, ouais, comment ça négocie, quel est le rôle des scientifiques là-dedans, comment ils modélisent, quel est le rôle de la demande de la représentation officielle des gouvernements, quel est le rôle. C'est tout à fait intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut dire des choses très concrètes sur comment l'expertise fonctionne, c'est-à-dire on ne dit pas bêtement, on peut dire, la science informe politique et y prend ses décisions. Non, c'est, oulala, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est, ça devient très intéressant. Ça, donc, il y a eu donc une crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'une part une crise, donc, comme je l'ai dit, de la gouvernance. Voilà, parce que tout simplement, les rapports de force et les intérêts d'un certain nombre de pays sont passés devant l'envie de faire des choses ensemble, négocier ensemble. Donc, le protocole est à peu près mort et on n'a pas la suite. Voilà, on est à peu près là-dessus pour le moment. On sait que si on n'a pas la suite, ça veut dire grosso modo, d'après les modèles, qu'on aura un réchauffement de plus de 3 degrés dans 50 ans ou 100 ans. Voilà. Mais c'est remis en question. Il y en a qui disent non, non, pas du tout, ne nous affolez pas, il n'y aura pas de réchauffement. Donc moi je vous dis ça comme ça, mais vous pouvez regarder, donc lisez les rapports, les controverses, l'internet permet de faire tout ça maintenant. Deuxième crise, directement des modèles, de la modélisation. Et là, c'est là, ça nous intéresse, ça rejoint ce que j'avais dit. C'est-à-dire, on a mis en cause, d'abord de manière un peu vulgaire, le GIEC, en disant que vous vous souvenez que la première crise en plein moment des négociations à Copenhague, ça a été de dire que dans les mails qu'on avait trouvés, je ne sais pas combien de mails entre les types, et que dans ces milliers de mails, il y en avait 3-4 qui disaient « j'ai bidouillé mes données » ou « j'ai fait ça pour que ça puisse être publié dans enfin, la vie normale des sciences comme d'habitude. » Bon. Mais ça a fait tout un scandale. Alors en fait, il y a eu des expertises, finalement, bon, tout ça est un peu retombé. C'était pas tout à fait par hasard que ça se passait exactement au moment de la négociation. Donc quand vous travaillez bien ces questions-là, vous voyez que c'est les mêmes acteurs qui cherchent à déstabiliser la négociation et qui à un autre moment cherchent à déstabiliser le travail, les travaux scientifiques. Il y en a d'autres qui ont clairement pris un autre parti, qui disent que ça fait trop de fromage, c'est pas bien. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut s'occuper de la pauvreté dans le monde et pas du climat, etc. Enfin, il y a toutes sortes de contestations, évidemment. Moi, quand je parle de crise de la modélisation, je pense à plusieurs choses. Premièrement, les questions, les gens se sont dit, mais c'est quoi ce bazar des scénarios? C'est des petites historiettes qu'on se raconte, c'est des projections dans le futur, c'est ce qu'on aimerait, qu'on n'aimerait pas, bon d'accord. Et c'est sur cette base-là qu'on nous raconte qu'il y a de la science dure qui nous dit ce que va être le climat dans 50 ou 100 ans. Hein. Toujours 50 ou 100, parce que c'est les horizons qu'on évoque. Alors évidemment, ça a beaucoup discuté là-dessus, mais est-ce que vous voyez une autre solution, sachant que, dans le monde dans lequel on vit, moi je pense qu'il est important de dire pas seulement ce qui pourrait se passer, mais ce qu'on veut qu'il se passe. Ça me semble assez important comme citoyen. Et si on veut, si on fait ça, il faut des scénarios volontaristes, comme Massé faisait pour le plan. Il faut donc des scénarios qui disent, si on veut ça, voilà, si on veut pas ça, si on veut ça, voilà. Ça me semble fondamental. Donc le vouloir, le pouvoir, doit être, à mon avis, intégré dans le scénario. La deuxième chose qui choque les gens, c'est cette histoire de modèle. Alors, ils nous disent, par exemple, un certain nombre de sceptiques, quand je dis « i », hein, c'est pas bien, il faut toujours « i », c'est un certain nombre de sceptiques disent « vous avez construit toute cette fable du changement climatique sur la base de corrélations statistiques. » Ah, et donc revient le fameux truc. Il y a dans la science qu'une seule chose qui est intéressante, c'est les vraies causalités qu'on arrive à démontrer, c'est les vrais déterminismes, c'est matérialiste, les corrélations, ça n'a pas beaucoup de cela. Bon, c'est là qu'on leur répond, attendez, quand même, il y a des petites choses qu'on a trouvées par des corrélations. Oui, par exemple, quand on fait les carottes, donc on trouve effectivement des corrélations entre les choses qu'il y a dans la carotte et puis les choses qu'on suppose qu'il y avait dans l'atmosphère. Oui, donc il y a effectivement des endroits où le discours scientifique s'appuie sur des corrélations, c'est indubitable, mais il y en a. Quand je vous ai expliqué que le modèle agrégeait énormément de types de connaissances, il y en a d'autres qui reposent sur la physique des nuages, il y en a d'autres qui reposent sur la chimie des particules dans la haute atmosphère, etc. Il faut prendre tout en compte à ce moment-là, oui. Et se rendre compte que non, la modélisation du changement climatique, ça n'est pas des modèles statistiques. Il y en a des petits bouts par-ci, par-là, mais... Deuxième chose qui revient sur le devant, c'est cette histoire d'expertise. Oui, mais c'est des travaux scientifiques qui sont sur commande du politique, donc ça ne vaut rien. Donc là, vous voyez que ma réponse à moi, c'est... Dans le tout premier modèle d'expertise que je disais, oui, c'est ce qu'on disait au 19e siècle. Ce scientifique-là, il est mouillé, il a travaillé sous pression politique, c'est pas de la bonne science. D'accord ? La bonne science, elle travaille sur de la science pure, donc il n'y a pas d'impureté. Et donc, dans la science pure, il n'y a pas non plus de pression. Moi, je dis, dans le siècle où on est, ce n'est pas forcément l'idéal de l'expertise que je souhaite en tant qu'homme de gauche. Je souhaite, au contraire, qu'on travaille sur une demande politique à condition de la contrôler. La politique, c'est-à-dire qu'elle soit dans un pays démocratique. Voilà. Donc là, il y a débat, il y a un vrai débat. Hein. Si vous voulez qu'il n'y ait pas du tout de politique dans la science, vous pouvez. Mais à ce moment-là, on risque de mourir la bataille de l'hiver, comme disait l'autre, ou bien, mais en économie comme en écologie. Hein, c'est pas... voilà. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de ce que j'appelle, moi, des questions de culture et comment on voit la science? Il y a des gens qui la voient encore, sur cet aspect-là. Et le modèle, alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le modèle. Le modèle, ce n'est pas de la science. Un modèle, c'est une sorte de boîte noire bizarre, dont personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et par conséquent, on ne fait pas de la bonne science avec des modèles, on entend plus ça. Alors je crois que moi, il faut qu'on a bien regardé le modèle, et si vous admettez que la science n'est pas unifiée, il faut l'admettre, il y a beaucoup de gens qui ne l'admettent pas, il y a pas, la science n'est plus unifiée. On a essayé de trouver une science unifiée au cercle de Vienne, hein, on n'y est pas arrivé. Il n'y a pas de science unifiée. Donc ça veut dire qu'il y a des bouts de science partout, et que la science de la goutte d'eau est différente de la science... voilà, il y a des tas de bouts de science et qui n'ont pas ni la même épistémologie, ni les mêmes outils, ni les mêmes types de savoir. Et bien, il faut agréger tout ça, on n'a pas le choix. Il faut agréger ces savoirs qui ont des épistémologies différentes. On ne peut pas purifier tout ça. Il y en a qui voudraient purifier, on élimine tout ce qui n'est pas de la vraie connaissance. L'anthropologie, vous rêvez ou pas? Sauf que les scénarios, ils ont été faits par les anthropologues, ça c'est assez intéressant. Sur des bases de travaux d'anthropologie, on dit qu'est-ce qui caractérise des sociétés humaines principalement, voilà, ils ont bossé là-dessus. Bien sûr, je vais retrouver, mais je finis avec ça, je vais retrouver que le modèle est un outil de preuve et un outil de gouvernement, je crois que je l'ai montré assez. Ces modèles-là sont des outils de preuve, ils essayent de démontrer un certain nombre d'évolutions du climat, et c'est des outils de gouvernement, bien sûr. Bien sûr, il y a des effets autoréalisateurs, ça c'est assez, il n'y en a pas tout, sans arrêt, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas attendre de les développer, et il y a de la performativité, ben oui, c'est-à-dire que, je ne vous ai pas assez parlé du troisième groupe, mais c'est sur la base de cette modélisation-là, on fait quoi? On met en place, par exemple, des marchés. On va retomber sur les marchés. Marchés que certains appellent du droit à polluer, hein, marché du carbone, par exemple. On met en place des taxes, on ne les met pas en place. Enfin, donc, il y a bien des ce qu'on appelait tout à l'heure des intermèdes, je ne trouve plus le même mot, des dispositifs. Voilà. Il y a bien des dispositifs qui sont tels, qui vont changer le monde dans lequel on est en fonction des résultats de ces modèles pour essayer de faire évoluer. Bon, je suis obligé de m'arrêter là. Si vous avez trois questions, si vous avez trois questions à poser, ça va. Vous avez décrit en fait que d'abord le modèle lui-même est une sorte de bricolage. C'est un sacré gros bricolage, hein. C'est comme si tu. On a fait ça en macroéconomie à des moments. On a fait des modèles de la banque, comment ça s'appelle, l'énorme banque de l'Ouest américaine, OK. Des modèles macro du monde entier, tu vois, où tu agrèges tout. Voilà, c'est un bazar comme ça. Et d'autre part, qu'il y avait un grand nombre de scénarios possibles. Je ne sais pas dans quelle mesure les différents scénarios, comment dire, les variations des données influent sur le résultat final. Au final, comment est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'un peu fiable? Vous avez un sentiment qu'on peut un peu rendre les choses? C'est une croyance. Si j'avais le temps, je vous montrerai comment. Je vous montrerai le faisceau de courbe qui est dans votre tête et dans la mienne en ce moment, pendant qu'on en discute. Faisceau de courbe qui sont quoi? Toutes les trajectoires sur 100 ans d'un seul paramètre pour le moment qu'on prend, qui est la température moyenne du globe. C'est un peu réducteur, mais ils ont commencé par ça. Et ce paramètre-là, il y a des courbes de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs par type de scénario, et puis dans chaque couleur, par exemple des courbes rouges, il y en a une dizaine, parce qu'il y a une dizaine de modèles. D'accord? Donc tu vois l'incertitude. Est-ce que de l'incertitude, on peut transformer ça en risque au sens de Knight, Keynes, etc., c'est-à-dire de 1921? Ce qu'on appelle risque, normalement, c'est quand tu arrives à cette incertitude, la transformer par un double calcul, un calcul de risque au sens cette fois-ci très mathématique, calcul des conséquences, hein, d'accord, des états futurs de la planète, et calcul des probabilités. Alors, pour le moment, je regarde ça de très très près parce que ça m'intéresse évidemment beaucoup. Pour le moment, il y a une très très très grande évolution entre les premiers rapports du GIEC et les derniers. Dans les premiers rapports, ils disaient ne peut pas probabiliser des scénarios. Pas vous dire si on va s'engager sur telle voie. Donc pas de probabilisation des scénarios. Et du coup, on ne peut pas faire de calcul de risque parce qu'on n'avait pas non plus d'évaluation des très précise. Depuis le rapport Stern, qui a quand même qui a été une première, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, hein, qui a su évaluer de manière un peu consensuelle, on va dire, je vais rentrer dedans, mais en gros, c'est plutôt consensuel quand même, qui a su évaluer l'ensemble des dégâts d'un changement climatique modéré, de 3-4 degrés, tout ça. Bon, modéré, ça fait des dégâts déjà. On a donc franchi cette étape où on est en train de passer de l'incertitude radicale au risque. J'aurais aimé vous montrer, mais j'ai plus le temps. Il y a justement dans les rapports du GIEC toute une réflexion sur cette question, comment on passe de l'incertitude au risque, c'est-à-dire à l'incertitude probabilisable, d'accord, et tous les intermédiaires entre ces deux situations-là. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit comment l'incertitude passe au risk assessment, mais ensuite au risk management. Il faut bien avoir les deux étapes, c'est-à-dire l'évaluation des risques et management, c'est-à-dire gestion, si tu veux, Donc là, il y a un débat là-dessus très très important dans le dernier quatrième rapport du GIEC, qui est à la fois intéressant et inquiétant. Du coup, c'est très compliqué les phrases qu'on peut faire. C'est-à-dire, ils ont complètement codé les probas, c'est-à-dire que c'est un peu beaucoup, passionnément, etc., et codé. Très vraisemblable, c'est au-dessus de 75%, je ne sais plus, enfin bon. Voilà. Donc tout ça est codé et toutes les phrases du rapport doivent respecter cette codification. Okay. Deuxièmement, on ne dit pas la Terre va se réchauffer de 2 degrés, on dit il y a une probabilité de temps que sur l'ensemble des scénarios qu'on a observés, il y en ait au moins 50% qui aboutissent à un supérieur de 2 degrés. Oui, on est obligé de faire des phrases de là. Donc ça devient, est-ce que ça peut passer dans le politique ça? Ben non. Donc là, ce qui passe au politique, c'est qu'il ne faut pas faire plus de 2 degrés. Basta. Et ça me fait penser exactement à l'histoire de l'introduction par Thionnet dans les années 50 des sondages. Quand il a introduit à l'INSEE les sondages, il a dit mais ben, si on fait un sondage, on peut faire un calcul d'erreur. Il a fait 2 publications, j'ai cherché, dans lesquelles il a fait le calcul d'erreur et après il n'a plus jamais eu une seule. Plus jamais, vous êtes d'accord? Il n'y en a plus. C'est trop compliqué. C'est trop de faire des énoncés à la base de la probabilité, c'est assez compliqué. Et en plus, ce que je soulève comme problème, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient, cette probabilité. Elle est ontologique, elle est épistémique. C'est qu'on ne connaît pas ce que ça. Ça vient des simulations, ça vient de jugements d'experts, ça vient de vraiment une probabilité que vous avez mis dans le modèle lui-même. Ça vient, voilà, ouais. Ça vient de quel est le hasard fondamental qui est là-dedans, hein, ouais. Dans le choix des scénarios, influe beaucoup par le choix des scénarios sur le résultat en fait. Oui, mais on les prend extrêmes parce que l'objectif c'est pas d'être gentil, c'est pas de prendre. Donc on en prend un qui est le compte, business as usual, souvent il s'appelle comme ça, mais on en prend d'autres qui sont catastrophiques et qui sont. Alors pas vraiment catastrophiques parce que là, une fois de plus, il y a peu de travaux sur les valeurs extrêmes. Et là j'ai vu qu'il avait fait un calcul, c'est le premier que je connais qui fasse un calcul sur ce qu'il appelle l'économie des extrêmes. 5. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Vous avez ici au verso les 3e séance du séminaire que nous recevrons Sylvia Perron le 3 mars, Madame Mélisa le 7 avril et le 5 mai sera consacré au thème finance et bien commun avec Denis de Bourcelles et Emma Sita. Une séance sur la notion de la plénitude justement pour à ce que pourrait être la finance dite islamique. Mais maintenant que notre spécialiste de la finance islamique est premier ministre en Tunisie, c'est quoi? Ah oui, la finance quantitative. Gaïa Souni, dont on parle de Michel Armat, qui est professeur à Dauphine, vice-président de l'université, et était nommé il n'y a pas longtemps ministre de l'économie en Tunisie. Ça bruisse de ces nouvelles là-bas.